Sont-ils des geeks ? Sont-ils fanboys ? Sont-ils des otaku ? Bienvenue dans l'émission Les Potes Calés. Animé par Teddy et Fabien. Pour notre second gros dossier, on va aborder un mythe qui a maintenant 80 ans, on va dire, quasiment. C'est un peu le patriarche des super-héros pour nous. C'est bien sûr l'homme d'acier, le dernier fils de Krypton, donc le bien nommé, Superman, le bien nommé. Dans ce dossier, on va aborder bien sûr la partie comics. Après, ensuite, on abordera en plusieurs parties les séries, l'animation et on terminera par les films. Et bien sûr, il y aura un grand débat sur la moustache numérique de Henry Cavill, comme il se doit, parce que cette moustache, elle nous a tellement intrigués dans Justice League qu'on ne pouvait pas faire l'impasse sur ça. Voilà ce que je pouvais dire pour un petit peu annoncer le menu qui s'annonce. Pour toi, déjà, qu'est-ce que ça représente pour toi, déjà, Superman ? Alors, moi, personnellement, Superman, c'est le premier super-héros que j'ai connu. Ouais. Donc, souvenir d'enfance. Après, voilà, c'est un héros qui a su être très kitsch, qui a su être un peu moins, beaucoup plus sérieux dans les derniers films qui sont sortis. C'est littéralement, on va pas dire une déité, mais on commence à s'en rapprocher au niveau de son univers. Donc Superman, voilà, moi on pense super-héros, c'est le Superman qui me vient en premier. Ouais, moi, j'ai pas vraiment grandi avec les comics de Superman, mais disons que Superman, je l'ai connu notamment par les films avec Christopher Reeve. Parce que moi j'étais voir Superman 2 et j'ai tout de suite été emballé par le personnage, malgré même son costume qui était quand même assez kitsch en ce temps-là et juste au corps, on va dire. Mais c'est le charisme de l'acteur, de Christopher Reeve, qui a fait que j'ai adhéré à ce personnage et j'ai voulu en savoir plus. Et donc quand on voit les différentes itérations et tous les dérivés qu'il y a, je me suis dit que ce serait super important de revenir sur les différentes étapes de son évolution, que ce soit dans le comics ou dans différentes adaptations. Et moi par contre, tu vois, je fais partie de la génération qui a connu Superman, même pas par les comics, mais juste par les dessins animés. Alors ça a commencé par les Hanna-Barbera, hein, Super Friends, ce qui était complètement kitsch aussi. Après, je me souviens d'avoir vu donc le film avec Christopher Reeves, mais pas au cinéma. Moi je l'ai connu directement à partir de la télévision. Et là, c'est pas quelque chose qui m'a parlé à l'époque, hein. C'est-à-dire que après j'étais plus au niveau, on va dire, dessin animé et tout ce qui a été fait autour de la Justice League, voilà, de Smallville aussi, va falloir en parler parce que c'est quelque chose qui a pu relancer la série. Au niveau kitschissime, on a aussi eu Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman, qui à l'époque semblait vraiment ultra kitsch et qu'avec un regard extérieur maintenant, ça me le semble quand même un peu moins, par exemple. Et sinon, voilà les franchises Superman. Par contre, au niveau des comics purs, là, je suis quand même moins averti que des comics Marvel, par exemple. Ouais, c'est un peu, j'ai un peu le même ressentiment. C'est que moi, j'ai quand même grandi avec les publications Lug, où on retrouvait quand même les Spider-Man et tout ce que tu veux, les Iron Man. C'est vrai qu'en France, il y avait seulement que les magazines DC Comics qui distribuaient ces super-héros. Et en France, on a eu quoi ? On a eu Superman, Batman, mais les autres, ils étaient pas plus connus que ça, en fait. Hein. Aussi Wonder Woman. Bon, Wonder Woman, on connaissait un peu plus parce qu'il y avait eu la série avec Linda Carter en 77, mais ce que je veux dire, c'est que à part Wonder Woman et Superman, il n'y avait pas beaucoup d'incarnations d'acteurs dans les films, dans les séries. Non, puis dans les séries, par exemple, si tu veux prendre une incarnation de Batman, il faut dire que la série des années 60, on pouvait pas se permettre de rester sérieux dans le thème du sombre de Batman à l'époque, sinon on était privé d'antenne, tout simplement. Ouais, c'est vrai que tu parles de Adam West dans son juste au corps collant, bien moulant. Et d'accord, et en plus, tu vois, les adaptations de Superman qui ont été faites au cinéma, etc., même quand elles étaient sérieuses, c'était quand même des juste au corps bien moulants. Un côté kitsch qui a voulu se prendre au sérieux et quelques petites catastrophes qui sont arrivées au cinéma, en parlant notamment de Superman 4 ou d'autres séries comme ça. Ouais, c'est le souvenir que j'en ai, moi, Superman. Donc, pas Christopher Reeve en premier, mais vraiment les dessins animés. Et plus récemment, un peu plus sérieux, alors sérieux entre guillemets, avec la Justice League et la Young Justice. Alors voilà ce qu'on pouvait dire comme intro, parce qu'on va pas non plus faire une intro de un quart d'heure, et on va s'attaquer directement aux origines de l'homme d'acier, c'est-à-dire qu'on va revenir dans les années 30, où là on a deux jeunes étudiants, Jerry Siegel et Joe Shuster, qui sont dans un lycée de Cleveland, les deux adolescents qui sont passionnés de pulps et de comic strips. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un peu des histoires qui sont publiées dans des petits magazines avec du papier qui est pas très bonne qualité, oui. Ouais, par exemple, on avait Snoopy qui apparaissait dans les journaux. Aussi, c'était du pulp, ça, purement. Mmh. Mais eux, c'est plus les grands héros musclés, style Tarzan, Doc Savage, Conan. Il y avait aussi Zorro, il y a aussi Flash Gordon ou Buck Rogers qui connaîtront aussi des versions sur grand écran et sur petit et grand écran. Et, mais qui ont moins survécu que l'univers d'ici. Tu penses à Raan, Flash Gordon, des trucs comme ça. Maintenant, le succès de ces personnes sont vraiment ultra confidentiels, voire même dans la culture du nanar. Alors que là, on a une belle survivance au niveau de l'univers d'ici. Ouais, c'est ça. Bon, Conan a quand même un beau reste. Hein, mais on n'a plus de rien qui se fait sur Conan maintenant. Ouais, c'est vrai qu'après le film de Jason Momoa, justement, et ben ouais, c'est le soufflet vite retombé. Mais on n'est pas là pour parler du cimérien. On est là pour parler du kryptonien. Donc, le duo, il crée une espèce de fanzine qui s'appelle un peu science-fiction. Et là, il crée justement un premier personnage qui s'appelle Bill Dunn. Et ce Bill Dunn, il est victime d'expériences d'un savant fou. Et il a ce qu'on appelle des pouvoirs psychiques assez dangereux. Des pouvoirs psychiques, d'ailleurs, qui le rendront fou vu que l'histoire finit assez mal et... avec toutes les conséquences qu'on connaît. Ensuite, le second personnage qu'ils esquissent, c'est un personnage qui est un peu plus héroïque, avec une cape et tout. Et là, on n'a pas vraiment de détails, mais on est un peu plus proche du Superman qu'ils voudraient. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est en quelque sorte un super-héros messianique qui arriverait d'une autre planète pour sauver justement la Terre de tous ces problèmes, quoi, en fait. Ah oui, non, c'est exactement ça, en fait. C'est symbole d'espoir. Ça pourrait... Ouais, prenez pas offense, hein, mais ça pourrait être comparé à Jésus qui vient sauver, quoi. C'est-à-dire, le monde a besoin d'un sauveur, plus particulièrement dans ces années-là, parce que on est vraiment dans des conflits quand même assez mondiaux. Après, on a 1939 de mémoire, les premiers Superman qui sont adaptés à la télé, ils se battent contre des nazis, etc. Oui. Voilà, on est dans un univers sombre, donc on a besoin d'un espoir, d'un sauveur, etc. Au moins en film ou en dessin animé. Quoi. Ouais, c'est un vote positif parce que là, il faut quand même se remémorer qu'il y a eu le crack de Wall Street en 1929 et ça allait très mal au niveau de la situation financière des États-Unis. Et donc, c'est vrai que les pulps et tous les comic strips, ils redonnaient un peu de joie aux gens. Ils pouvaient un peu s'évader de leur tête en lisant ça dans les bus ou tout ça. En fait, le super-héros est resté longtemps dans les tiroirs. C'est parce que l'éditeur national Allied Publications, qui deviendra plus tard DC Comics en 1937, voulait avant tout des histoires un comique, un peu avec des comédiens. Là, c'est à la récurrence, quand Siegel et Shuster créent les détectives privés Dr. Occult et Slam Bradley, il y a beaucoup de dérision et de sketch. Donc on n'est pas vraiment dans le sérieux du personnage de Superman, qui lui arrivera vraiment dans les pages de Action Comics numéro 1. Donc ça, c'est vraiment le numéro vraiment culte qui s'est vendu, je crois, $1 million il n'y a pas très longtemps, de celui de juin 1938, où on voit justement le Superman qui soulève une espèce de voiture verte. D'ailleurs, c'est une image qui était reprise dans Superman Returns à un moment. Voilà, quoi, c'est là que ça commence un petit peu à poser les bases, c'est-à-dire qu'on a l'apparition de Clark Kent, de Lois Lane, et de tout l'environnement avec le Daily Planet et tout ça, quoi. D'ailleurs, Superman qui a été pompé sur Captain Marvel, hein, tout simplement, qui a été repris par l'univers d'ici. Pas Captain Marvel de l'Institut Marvel. Hein. Captain Marvel, en fait, c'est Shazam. Et en fait, c'était le premier super-héros musclé qui balançait des bagnoles, par exemple, hein, le premier numéro de Shazam, enfin, donc de Captain Marvel, qui s'appelle maintenant Shazam pour des questions de droit, hein, tout simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est que Superman a été plus ou moins pompé sur Captain Marvel. D'accord. Mais en tout cas, dans les premiers comics, Superman ne vole pas. Il fait des bonds au-dessus des immeubles, mais il vole pas, et il volera qu'à partir de l'année 1943. Quoi. Et puis, il est pas à Metropolis dans les premiers comics, il est à Cleveland, donc la ville des natifs du duo des créateurs. Voilà, donc il tire ses pouvoirs du soleil jaune, bien sûr, vu qu'on va parler un petit peu de sa planète d'origine, Krypton. Il a une grosse faiblesse et qu'il peut pas voir à travers le plomb. Donc voilà un peu. Et on va parler de Krypton parce que ses origines, elles sont définies aussi dans ce numéro, c'est-à-dire que c'est... en fait, son vrai nom, c'est Kal-El. Donc il est le fils de Jor-El et de Lara, qui décide ils apprennent que leur planète Krypton est en train de mourir littéralement, et qu'elle va être dévorée apparemment une espèce de soleil rouge. Enfin, si je me souviens bien la référence. Et donc ils décident d'envoyer leur... C'est pas vraiment cette version que tu as ? Ah non, c'est parce qu'il y a plusieurs versions. Donc la plus connue, c'est qu'ils ont usé leurs ressources internes en mangeant le noyau de la planète et qu'elle s'effondre sur elle-même. Mais c'est vrai que normalement, c'est le soleil rouge qui devient en fait une supernova et qui englobe toute la galaxie. Qui engloutit la planète et qui est complètement... complètement ravagée par un soleil rouge, quoi. Et voilà pourquoi Superman tire ses pouvoirs. C'est parce qu'il y a un soleil jaune et il tire ses pouvoirs justement de ce soleil jaune. Parce que s'il était en en attraction autour la planète Terre est en orbite autour d'un soleil rouge, il n'aurait pas tous ses pouvoirs, le bonhomme. Bah moi, sur les origines de Superman, je vais surtout ajouter que c'est vraiment le premier où il y a eu une accroche de déification d'un personnage. Mm-hmm. C'est le premier, parce que même Captain Marvel était resté vraiment très, très, très confidentiel. Donc voilà, c'est vraiment le premier qui a eu une explosion. Mais par contre, c'est vrai que la mythologie s'est construite au fur et à mesure. On n'a pas eu la kryptonite tout de suite, on n'a pas eu, comme tu disais, le fait qu'il vole, on ne l'a pas eu tout de suite, etc. Mm-hmm. Et ouais, c'est quelque chose... c'est un personnage vraiment qui a eu une mythologie de construite au fur et à mesure. Un peu comme Batman, sachant que sa mythologie a mis moins de temps à se construire que celle de Superman, parce que même encore maintenant, on trouve des nouveaux pouvoirs à Superman. Comme tu dis, il y a l'aspect un peu divin. D'ailleurs, il y a pas mal de planches qui vont dans cette direction. On voit le Superman. je rigole parce que quand tu vois les derniers films, on l'appelle le Batman, donc je dis le Superman pour égayer. On voit le Superman, la cape flottante et puis dominant de ses bras la planète, quoi. On voit vraiment que c'est un dieu, quoi. Voilà, c'est une imagerie très déifique. Et je voudrais juste rajouter une dernière chose, c'est que Superman est la particulier d'être le seul super-héros dans l'univers DC qui se transforme en quelqu'un de normal. C'est ça. C'est-à-dire que c'est un héros à l'origine, il est fait pour être un héros, pas autre chose, et il se transforme en Clark Kent pour avoir une vie un peu plus privée. Et là, tu fais bien parce qu'on a un premier débat quand même, parce que c'est aussi le seul super-héros. Enfin, je pense que quand il met des lunettes, pourquoi qu'on le reconnaisse ? Ça, c'est incroyable, quoi. Et il se fait ses cheveux aussi, voilà. C'est ça. Il a pas la mèche, ouais. Il a les lunettes en plus, ouais. Et personne ne le reconnaît. Et personne ne fait la ressemblance avec la connexion entre Superman et Clark Kent, en fait. C'est quand même assez incroyable, quelque part. Oui, bah d'ailleurs, s'il serait sur Facebook maintenant, il serait identifié très facilement. Mais voilà, c'est le... Et c'est d'ailleurs... Voilà, c'est Kal-El qui se transforme en Clark Kent, donc il met une paire de lunettes, il refait bien ses cheveux, et voilà, personne ne le reconnaît. Ouais. Et puis il met son slip au-dessus de son pantalon. Oui, ça, voilà. Mais il a fallu quand même près de 50 ans pour qu'il arrête de mettre son slip au-dessus de son pantalon. Ouais, ça fait partie de, je dirais, un peu des codes du genre, parce que je pense que c'est un code qui a aussi pris des catcheurs, en fait, qui portaient aussi des espèces de vêtements comme ça. Oui, d'où la cape aussi. Il fallait un personnage, comme tu disais au début, haut en couleur. Donc ce personnage, il a son premier numéro, il remporte un beau succès auprès du public durant l'été 1939. C'est le premier numéro de la série Superman. Et là, on le voit dans toute sa majesté en train de surplomber la ville de Metropolis. Et on va rentrer donc dans les comics des années 40, parce que là, c'est vrai, il y a beaucoup d'innovations. La première vraie apparition qu'on pourra signaler, c'est celle de Lex Luthor. Bien sûr, Lex Luthor, c'est un personnage qui est machiavélique, très intelligent, et qui est pour moi le plus redoutable des adversaires de Superman. Pas par sa force, parce que physiquement, il a une force normale, mais parce qu'il a vraiment un cerveau à la fois démentiel et vraiment démoniaque, je veux dire. Ouais, donc Lex Luthor, le fameux multimilliardaire, présente bien en fait ce qu'on pourrait penser nous des dieux. C'est-à-dire que Lex Luthor, c'est quand même le plus humain des personnages dans ces années-là. Donc c'est un humain, et c'est pour montrer que on a beau être un humain, si on n'a pas de rêve de destinée, etc., ou alors dans le mauvais sens... on devient un super vilain, tout simplement. Et en fait, Lex Luthor commence à devenir vilain parce qu'il a un énorme complexe d'infériorité avec Kal-El. C'est ça, c'est une forme de jalousie, en fait. Complexe d'infériorité, jalousie, ça a été retourné un peu au fil des ans, mais là, oui, c'était... Enfin, moi, je l'ai personnellement analysé comme un énorme complexe d'infériorité, c'est-à-dire que j'ai tout ce qu'il faut dans ma vie, j'ai du blé, j'ai du pouvoir, j'ai de l'ambition, et puis, y a un blaireau qui arrive de l'espace, et puis, il y a encore plus de pouvoir que moi, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Enfin, on arrive quand même à se mettre dans la tête de Lex Luthor aussi que on a travaillé dur, c'est-à-dire qu'il travaille dur, etc. Il arrive au sommet à la force de sa sueur. Et puis, il y a le mec qui arrive, il est destiné à ça, il est fait pour ça, donc Superman. Et il n'y a aucun effort à faire, et il est au-dessus de tout le monde. Et moi, je pense que ça a dû vexer Lex Luthor. Et puis, du coup, ça a bien été montré dans les BD des années 40, je trouve. Ouais, c'est voir juste ce que tu dis. En fait, c'est la sueur du travail contre le préfabriqué, en fait. Ouais, et puis en plus, c'est assez bizarre, parce qu'on pourrait estimer que Lex Luthor représente quand même pas mal les valeurs du capitalisme, le travail, pour écraser les autres, etc. Et Superman est censé aider les États-Unis, qui sont capitalistes aussi, donc c'est quand même assez gonflé à l'époque, en tout cas les années 40, de mettre un Lex Luthor multimilliardaire en super vilain. On rentre en plein dans la Deuxième Guerre mondiale, là, 39, les années 40, c'est Hitler le numéro un des... les adversaires. Et là, ben, là, c'est Superman qui on va dire, qui combat les nazis, quoi. C'est le, je vais dire, il parle, c'est le porte-drapeau, quoi, en fait, contre, le dernier rempart contre le nazisme, quelque part, dans cette période-là. Bah, déjà, habillé en rouge et en bleu, donc, comme sur le drapeau. Ouais. Superman, bon, ça sonne pas très européen comme nom non plus. Donc, voilà, c'est pour, il devient le fervent défenseur des idéaux des États-Unis. Ouais, c'est le patriote par excellence, quoi. Sachant que le côté capitaliste en 40-45, même jusque dans les années 50, a été quand même bien mis de côté, parce qu'en fait, on faisait ce qu'on appelait l'effort national à l'époque, c'est-à-dire qu'il fallait donner toutes les ressources des États-Unis pour l'effort de guerre. Et ça a été bien repris. D'ailleurs, les dessins animés des années 39-40, vu qu'ils sont maintenant libres de droit, je les ai à peu près tous vus. Et c'est vrai que c'est complètement ça, hein. Le savant fou nazi en général, qui veut détruire la Terre, Superman qui sauve la situation en dernier recours. Ouais, c'est l'archétype des vieux récits de pulps, c'est ultra manichéen en fait, avec le gentil, le beau gentil contre le moche méchant, quoi, c'est ça. Oui, exactement, c'est vrai. Le méchant, pas besoin de lui coller une étiquette, hein, ça se voit sur sa gueule, c'est un méchant. Ouais. Et Superman, d'ailleurs, tu vois, avec des prises de vue par le bas pour montrer son côté dieu, etc. Et le super vilain, il était très souvent monté par une vue de haut pour montrer que bah c'est un insecte. Il est petit, quoi. Ouais, petit. Superman en contre-plongée, puis et le savant fou, il est petit, quoi. Il est petit par la taille, et puis il est petit par ses ambitions, quoi. Voilà, et puis bien montré, Superman le bat toujours ses ennemis d'une façon spectaculaire, grandiose, ils ont aucune chance. Ah, ouais, j'ai vu un petit rapport de ça en disant à l'époque, voilà, les États-Unis, voilà, on est tout puissant. C'est nous qu'on commande, quoi. Ouais, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait aussi la suprématie allemande. Enfin, Superman, de toute façon, c'est cette période-là, il a commencé un petit peu à rejoindre Wonder Woman et tous les super-héros qui portaient les couleurs de la bannière, parce que dans le style aussi bannière étoilée, Wonder Woman a été quand même présente aussi à ce niveau-là. Ah, j'ai quelques anecdotes d'ailleurs sur Wonder Woman. Hein. Bon. On pourra peut-être vous faire un petit spin-off sur Wonder Woman un de ces jours. Mais c'est vrai qu'au niveau du costume, voilà, on retrouve un peu des costumes catcheurs, comme celui de Superman. Ouais. Donc habillé très court, puis drapeau américain et l'aigle, voilà quoi. C'est ça, il porte l'aigle sur son... Elle porte l'aigle sur Wonder Woman, son décolleté c'est un aigle en fait. C'est ça. Donc voilà, la valeur américaine, c'est bon, hein. Les étoiles, le drapeau, l'aigle, c'est bon. On est en plein dedans, quoi. On est en plein dedans. Quelqu'un qui vient de Grèce. Ouais, en plus. Donc la mythologie en plus, la partie mythologique. Ouais, mais on parlera de Wonder Woman un petit peu tout à l'heure avec la partie crossover, je pense que... Je vais continuer donc dans les années 40 avec l'apparition de Superboy. Alors ça, c'est un premier dérivé, c'est-à-dire que le jeune Clark Kent, on n'a pas précisé que quand il est arrivé sur Terre, en fait, il a été recueilli par la famille Clay Kent, donc Jonathan et Martha. Voilà, c'est l'inconvénient de Superman, c'est qu'il est tellement connu qu'on va oublier des petits détails de genre. On va oublier plein de trucs importants. Donc voilà, quoi, donc il a été baptisé Clark. En fait, il a trois noms, le mec, hein, Kal-El, Clark et Superman. Donc on crée un peu cette espèce de, je dirais, de jeunesse adolescente. Pour Superboy, je crois qu'il a déjà son costume. C'est un petit peu, je vais dire, orienté plus pour les gamins, quoi, Superboy, quelque part. Alors moi, je pourrais pas te dire, parce que la seule version de Superboy que je connais, alors ça remonte, hein, c'était une émission qui s'appelait Le Samedi est à vous, et on pouvait choisir les épisodes qu'on voulait montrer à la télé. Donc le choix entre Le Magicien, Superboy, etc. Ouais, c'est ça. Et je connais que cette version de Superboy, qui était d'ailleurs moins kitsch que certaines versions de Superman. Bon, après, ça a resté... du truc grand public, hein. C'était pas non plus fait pour apporter une réflexion comme il a pu essayer d'avoir dans Smallville ou dans les derniers Superman ou dans la série Krypton. Ouais, en fait, c'est une espèce de Superman junior, c'est orienté un peu plus pour les enfants de 5 à 10 ans, quoi. Ah, j'aurais dit les ados, moi, mais... Plus Superman, quand même. On va pas dépasser les 14-15 ans. Ouais, c'est ça. Et voilà, donc, pour Superboy... Et puis en novembre 1949, on a l'apparition d'une grande faiblesse de Superman, c'est la kryptonite rouge. Alors, donc, on va peut-être revenir sur les faiblesses de Superman, parce qu'il n'y a pas que la kryptonite. Non, il n'y a pas que la kryptonite. Donc, les faiblesses de Superman, il y a déjà son humanité, une très grande faiblesse. Après, donc, la kryptonite, donc faiblesse humanité, c'est qu'à dire on peut le manipuler en menaçant sa famille, etc., ce qui s'est déjà fait. Après, la kryptonite, alors on a eu des belles variantes de la kryptonite. Hein. Au début, la kryptonite verte prive Tempire. Oui. La première, c'est la rouge. Ah tu vois, moi je pensais que la première c'était la verte. Non, c'était la rouge. Elle l'affaiblit quelque part. En fait, les propriétés de la kryptonite, elles changent de décennie en décennie, j'ai l'impression. Voilà, exactement. Là, pour l'instant, on est sur la verte qui prive temporairement Kal-El de ses pouvoirs et qui lui inflige une grande souffrance. Donc ça a été repris dans le film, mais c'est pas de la kryptonite, c'est en fait l'atmosphère de sa planète qui lui est néfaste. C'est ça. Après, donc avant ou après, ouais, la kryptonite rouge, comme tu dis. Moi, pour moi, c'était quelque chose qui permettait de, en fait, de lui supprimer toute son échelle de valeur, c'est-à-dire qu'il devient ce que je pourrais appeler un humain, c'est-à-dire j'ai des pouvoirs, je les utilise. Il est corrompu. Pour moi, il est corrompu. Voilà. Ouais. Et puis la kryptonite dorée, qui est censée le priver définitivement de ses pouvoirs. Il y a eu ça. Et puis la plus bizarre, la kryptonite rose. T'es alors c'est quoi ? Qui rend Superman gay. Gay ? Gay, voilà. Ah bon ? Il y a eu la kryptonite rose où Superman devient efféminé. On en apprend tous les jours, ça, hein ? Oui. Il y a des trucs que des fois on ferait mieux de pas exister. Est-ce que c'était purement parodique, hein, c'est un peu ridicule quand même, faut avouer. Ben, en fait, voilà. Alors. C'était des producteurs avides de pognon, ils se sont dit on voudrait toucher la communauté gay, ben on va faire une kryptonite rose et Superman deviendra gay. D'accord. Alors je veux bien que c'était dans les années 70, là tu sors ça maintenant, je pense que t'as tout la LGBT sur le dos pendant des années. Ouais, enfin il y a quand même un Green Lantern gay, il me semble, dernièrement, non ? Mais ça c'est pas gênant qu'il y ait des gays ou pas des gays, c'est pas gênant, mais le fait de vouloir toucher une communauté avec une icône parce qu'on a envie de grappiller un peu de pognon, ça je trouve ça un peu plus gênant. Ouais, c'est hyper opportuniste, c'est ça que t'allais dire. C'était super opportuniste. Ouais. Donc après, comme ses faiblesses, on a la kryptonite et on a surtout. L'incroyable faiblesse de Superman, qui est bien pratique pour certains scénarios, la magie. Il est incroyablement vulnérable à la magie. Il s'est déjà fait battre par Zatanna et par Shazam à cause de la magie. Apparemment, si on lui fait apparaître un lapin devant son nez, il va mourir. Donc voilà, au niveau des faiblesses, mais les gens retiendront surtout la kryptonite. Et moi, je voulais dire que la kryptonite, à la base, c'est pas issu des comics, c'est issu d'une émission de radio qui, justement, programmait des... Parce que dans cette période-là, on avait beaucoup de personnages et de comics qui étaient adaptés en feuilleton radio, on va dire. Ils l'ont d'abord appelé K-Metal, avant de l'appeler kryptonite. Et comme tu dis, c'est la kryptonite verte qui est la plus dangereuse pour Superman, finalement. Il est complètement paralysé, quoi. Ouais, puis c'est la plus répandue. Hein. C'est-à-dire que la kryptonite verte, il y en a... Apparemment, ça dépend des univers, mais bon, si tu prends Smallville, il y en a partout sur la planète. Et si tu prends Superman, il y a que les riches milliardaires qui arrivent à s'en procurer, comme Wayne et Luthor. Et il faut quand même signaler que tous ces kryptonites, ce sont des restes de la planète de Krypton qui sont en fait qui sont bazardés de... Je crois de radiation tellement puissante que ça atteint le métabolisme de Superman en fait. Bah oui, parce qu'il arrive même des moments où la kryptonite peut irradier l'humain et soit le transformer en méta ou soit le tuer. Donc on va parler d'un personnage qui est pour moi plutôt opportuniste, c'est Crypto le chien, qui est apparu en 1955. Alors ça, je pense que c'est pas plus opportuniste que ça, parce que une espèce de clébard blanc avec une cape peut difficilement me faire mieux qu'un peu ridicule quoi. Là, il y a eu le bat de chien aussi. Hein, faut le bat de chien aussi, ouais, ça aussi. Mais bon, on va pas s'attarder non plus, mais bon, c'est quand même, avec Superboy, je veux dire, orienté de jeunesse, quoi. Voilà, bah, je pense qu'il y a dû avoir une adultisation de Superman. Ils se sont dit, merde, on n'arrive plus à toucher les gamins. C'est ça. Bon, on va leur faire un Kleps. Ça fait très Hanna-Barbera, quand même. Bah, je pense qu'après, il sera d'ailleurs repris dans le dessin animé de Super Friends. Il y a eu même droit à sa propre série dans Hanna-Barbera. Et même encore récemment, il y a eu le droit à sa propre série, Crypto le super chien. Et on le voit aussi encore dans les New 52, il me semble, avec la photo de famille, quand il y a Loïs, il y a Superman, Loïs et leur fils John, justement. Et encore une fois, le cliché très américain, hein, voilà, tu viens de le dire. Hein, ouais. L'homme, la femme, l'enfant, le kleps. Incroyablement américain. On est dans la caricature. Hein. Ça fait complètement caricature. Ah, ouais. Donc en juin 1958, il y a un événement qui bouleverse aussi un petit peu Superman, c'est l'apparition de la forteresse de Solitude. Donc cette espèce de base qui est dessinée au début comme une sorte de porte énorme dans un glacier que seul peut ouvrir Superman, c'est une grosse clé en métal. Je sais pas si tu te souviens de cette image, mais... Ah pas du tout, moi la forteresse de Solitude, j'ai plus l'image du glacier. De quand Reeves jette son bout de cristal et puis que ça fait une forteresse colossale. Ouais, mais dans le comic, c'est une espèce de coffre-fort... géant, et c'est ça qui est un peu ridicule, et un peu kitsch aussi. Mais après, il y a la forteresse de Solitude, elle évoluera, heureusement, parce que faut pas non plus rester avec une grosse clé en métal qui pèse 3 tonnes. Bon, la forteresse de Solitude, c'est un concept qui, à la base, qui était créé dans Doc Savage. On retourne dans les vilains, en fait, là, et puis on a Brainiac. Alors Brainiac, qui est pas le plus connu, mais qui est l'un des plus létals aussi pour Superman. Mmh. Brainiac, pourrait le comparer à quoi? Bah, c'est un collectionneur de planètes, un génie diabolique, un robot, on sait pas trop, ça dépend des versions. Bah, sa forme a évolué, donc on sait qu'il est vert, il est plein d'implants. J'ai l'impression quand même que Star Trek Next Generation s'en est inspiré pour les Borg, parce que il ressemble fortement. Ouais, c'est un être tout puissant qui, à la base, qui a été créé par une civilisation qui devait s'éteindre, et ils ont envoyé cette espèce d'entité dans l'espace, et lui, là, il a décidé de coloniser tous ces mondes, et notamment quand il est arrivé sur Krypton, je pense qu'il a enfermé la cité de Kandor dans une bouteille, si je me souviens bien. Voilà, d'ailleurs, Kandor qui est dans la forteresse de Solitude, parce que, bon, bien à tomber, c'est la seule ville qui n'a pas pu être sauvée par Superman, parce qu'il n'avait plus assez d'énergie, donc voilà. Donc, voilà, rien d'autre à dire. Ouais, enfin, on va quand même signaler aussi qu'il y aura Bizarro qui va apparaître la même année. Ah, Bizarro d'ailleurs, bon, une bonne petite anecdote, donc c'est un ennemi de Superman qui est censé être exact opposé de Superman. C'est ça. Donc, Superman est pour le bien, Bizarro est pour le mal, Superman est plutôt beau gosse, Bizarro a un physique dégueulasse, les couleurs sont inversées, etc. Et moi j'adore comment Superman arrive à vaincre Bizarro la première fois. Tu veux faire, c'est un spoiler ou tu peux... Ah ben non, c'est pas un spoiler, normalement si vous êtes connaisseur. En fait, Superman a juste fait une remarque très pertinente à Bizarro, lui disant, t'as vu, je suis toujours vivant, et le mec il fait, oh merde, je vais être mort, alors et hop, il s'en va dans le soleil. C'est vrai, ça se termine comme ça. Alors j'ai schématisé, j'ai abrégé. Ouais. Mais oui, ça se termine comme ça. Ouais, c'est un peu ridicule. Voilà quoi, ce qu'on pouvait dire sur Bizarro, Métallo, bon, c'est un peu le même, hein. C'est celui qui attire tous les plaques de métal sur lui, là. Bah, Métallo, en fait, c'est un cyborg avec un cœur en kryptonite. Donc voilà. D'accord. C'est un robot avec le pouvoir d'irradier Superman. Bah, on va rester dans les années 50 avec. Dans les 58, il y avait aussi l'apparition de Supergirl. Et ça, c'est très important parce que c'est. On va dire que c'est le premier spin-off de Superman. Et c'est aussi le premier truc qui lance les Super. Féminin. Batgirl, je sais pas moi. La Girl Generation. Les Birds of Prey. Ouais. Et comme tu dis, donc elle apparaît, donc son identité c'est Kara Zor-El, donc c'est la cousine directe de Kal-El. Alors moi ce que j'aime bien c'est que dans les comics on dit oui, Superman c'est le dernier fils de Krypton. Le problème c'est qu'il y a quand même pas mal de survivants derrière finalement. Bah justement comme survivants il y a les Kandoriens, mais alors ça dépend des versions. Il y a des versions où c'est Brainiac qui a embarqué une ville de Krypton, et il y a des versions où les Kandoriens c'est une planète à part, c'est-à-dire c'est des Kryptoniens qui avaient colonisé l'espace. Et ils étaient sur Kandor. Celle-là est déjà plus logique. Parce que c'est vrai qu'on nous dit The Last Town of Krypton, et puis après on nous lui met une cousine, un chien, je sais pas moi, Super Morpion aussi, je ne sais rien, mais voilà, on nous met toute une ribambelle de kryptoniens derrière, animaux ou végétaux. Et surtout le général Zod. Aussi, oui. Ouais. Bon, lui, il a été enfermé dans une prison intersidérale spatiale, machin. Ouais, non, ça fait un peu rattacher les wagons aussi. Ouais, c'est la zone fantôme, la fameuse zone fantôme, il y a tous les criminels, quoi. C'est vrai que, bon, on entre en plein avec l'apparition du général Zod, on entre en plein dans les années 60. Bon, il y a un peu un relâchement, je vais dire, au niveau de création des personnages. On explore la mythologie. Il y a plusieurs séries qui sont lancées. Bon, on a Supergirl, on a Superboy, on a Crypto. Puis là, on a une collection de méchants qu'on peut recycler à volonté, quoi. Ouais, puis on s'est dit, faudrait trouver un ennemi à Superman qui ait les mêmes pouvoirs pour faire une némésis. On avait essayé avec Bizarro, mais le personnage n'avait pas accroché. Donc je pense que du coup, ils ont dû mettre Zod pour dire, tiens, bah voilà, c'est un tacticien. Ouais. C'est un mélange entre Luthor et Superman, en fait. Hein. C'est ça. D'après ce qu'on dit dans l'histoire, c'est un peu l'ancien ami de Jor-El, mais qui avait pas la même philosophie que Jor-El, en fait. Bah, en fait, il avait une philosophie militaire, hein, c'est-à-dire qu'on règle les problèmes par la militaire. Force, bah, c'est un peu, d'ailleurs, ce qui a été repris dans Man of Steel. Hein. C'est ça. Donc voilà, c'était à peu près ce niveau-là, pas aussi exacerbé, parce que c'est même Jor-El, je crois, qui d'ailleurs l'envoie, demande au conseil de l'envoyer et pas de le tuer, quoi. Ouais, c'est ça. Quand il est préfet prisonnier dans la zone fantôme, bah oui, c'est pour ça qu'il l'envoie en Superman, parce que c'est son père qui l'a envoyé en tôle, quoi. Rise before Zod. Now, kneel before Zod. On vient de parler du redoutable général Zod. On va parler d'un autre grand vilain de l'univers de Superman. C'est bien sûr le titanesque Darkseid, en fait, qui est un peu l'équivalent de Thanos dans l'univers DC Comics. Donc Darkseid, ses origines, il vient d'une terre... Tu connais, toi, les origines de Darkseid ? Oui, alors je connais les origines de Darkseid et la petite anecdote au niveau, en fait, entre Thanos et Darkseid. Donc, en fait, Darkseid et Thanos, c'est strictement la même personne parce que, en fait, c'est le même dessinateur. Donc, il y a même eu une référence chez Marvel qui ont dit « Quitte à copier Darkseid, voilà, faites-en un super vilain et pas un personnage de seconde zone. » Donc, voilà, par exemple. Donc, Darkseid vient de la planète Apocalypse. Donc, voilà. Et c'est une planète qui est en concurrence en conflit avec une autre planète qui s'appelle New Genesis, donc une planète, deux planètes binaires. Mmh. Et donc voilà, donc ils viennent d'un monde apocalyptique. Hein. Apocalypse, c'est pas le pays des bisounours, hein. C'est vraiment non, c'est le clair. Monde apocalyptique. Et donc ils arrivent à intégrer le conflit sur Terre, et puis bah, ça devient un ennemi récurrent de Superman, et accessoirement de toute la Justice League à certaines occasions. Ouais, vu le potentiel qu'il a, le vilain, on s'étonne pas que Superman a quand même du mal à le vaincre. Et pour la petite anecdote, pour... rappeler qui est à l'origine de Darkseid, bah c'est bien sûr le célèbre Jack Kirby, donc qui est un auteur, un dessinateur qui est quand même à l'origine de pas mal de super-héros de l'univers Marvel. Je vous ferai pas l'offense de citer les Quatre Fantastiques ou bien les autres super-héros, parce qu'on n'est pas non plus dans le domaine. Mais Jack Kirby, c'est comme un grand du comics book. Et ensuite, on a un premier numéro pour Supergirl. Et à propos de Supergirl, on a une version alternative qui apparaît en 76, c'est Power Girl. Alors Power Girl, tu veux peut-être en parler de ce personnage ? Alors moi, je connais moins Power Girl que les mêmes tournant autour de ce personnage. Mm-hmm. Power Girl, pour moi, c'était dans certaines versions, carrément la petite amie de Luthor, si mm-hmm. ma mémoire est bonne. Et il y a une très belle anecdote, ou très mauvaise anecdote à propos de Power Girl, c'est que en fonction des éditions, son tour de poitrine varie énormément. Ouais, puis j'ai l'impression qu'il grossit même, non ? Ah, exactement, ouais. Oui, on a même des versions où... On va exploser le costume, quoi. Et ouais, voilà, ouais. Exactement. Et bon, bah, Power Girl, pour ceux qui la replacent pas trop bien, c'est celle qui est habillée en blanc avec les boobs qui dépassent littéralement ouais. de sa tenue parce qu'elle a un décolleté plongeant. Pour revenir à Supergirl, donc tu disais, ouais, décolleté, moi je dirais super décolleté, quoi. Ouais, pour Power Girl, c'est vrai que vraiment il y a eu une exagération littérale au niveau du décolleté de Power Girl. Et pour finir, bah, c'est ce qu'on a retenu du personnage, hein. Ça, sa liaison avec Luthor. Ouais. Bon, ensuite on rentre dans les années 80, hein, et là on est dans une période où c'est plus des reboots que des nouveautés, quoi. Moi je retiens notamment l'arc L'Homme d'Acier de John Byrne, qui définit quand même de nouvelles origines pour Superman, c'est-à-dire que là il est vraiment le dernier survivant de Krypton, il n'y a pas de Super Girl. Il n'y a pas de Superboy non plus, et il commence donc son activité à l'âge adulte, et ça définit, et en plus il y a, au niveau du dessin, on voit quand même une ressemblance avec Christopher Reeve. Il y a une influence, on voit du faciès de Christopher Reeve dans le personnage qui est dessiné par John Byrne. John Byrne, on le connaît aussi parce que c'est quelqu'un qui a illustré aussi la série des X-Men, si je me souviens bien. Alors tu sais, tout est dérivé, hein, Adventure of Superman, Superman Man of Steel, c'est à dire que les séries se multiplient, les intrigues aussi, et je veux passer directement en 1992 où là on a vraiment un gros événement. La mort de Superman avec le super vilain le plus puissant, je dirais même le super tout court, le plus puissant de l'univers de chez DC, Doomsday. Doomsday qui est quand même l'incarnation du mal absolu. Et ouais, voilà, un peu dans le même style que Superman, c'est-à-dire qu'il est inarrêtable. Et sauf que Doomsday a la particularité, ce super pouvoir, c'est pas d'être fort, c'est de pouvoir ne pas mourir à la première chose qui l'a fait mourir juste avant. C'est parce que à l'origine c'était un être qui a subi pas mal d'expériences assez horribles. Lui, je crois qu'il est issu d'un savant kryptonien qui était un peu dément, et il a créé c'est une espèce de Frankenstein complètement débridé, on va dire. Ouais, puis complètement décérébré aussi. Ouais. Hein, il est là pour détruire, quoi. C'est tout. Quoi. Il détruit tout sur son passage. D'ailleurs, dans cet arc, dans la première partie de l'arc, tout le monde se fait ratatiner, hein, que ce soit Green Lantern, Aquaman, Batman, Que ce soit même Blue Beetle, Booster Gold, tout le monde se fait littéralement ratatiner. Mm-hmm. Et c'est vrai que là, on voit des visages abîmés et des bleus au niveau de la BD. Là, du sang, on va dire. Il y a du sang. Et même Superman, c'est la première fois qu'il scène dans un comics. Et c'est la première fois qu'il se bat à 100% de son potentiel aussi dans un comics. C'est ça. Il est carrément obligé, même s'il met toute sa force dans ses poings, il faut qu'il a quand même du mal à l'assommer, parce que le gars se tient toujours debout. Et c'est parce qu'il arrive à déceler une petite faiblesse dans l'ossature qu'il parvient, pas à le tuer, mais simplement à l'assommer. Non, il parvient, il s'entretue en fait à la fin. Doomsday et Superman s'entretuent. Et sachant que, pour prouver la force de Doomsday un petit peu, ce qu'il faut savoir, c'est que tout dans la première partie où on nous amène Doomsday, où Superman ne se bat pas avec, il bat littéralement tous les membres de la Justice League avec une main attachée dans le dos. C'est ça, parce que lui, il sort de la Terre, il y a une espèce de camisole de force en plus, qu'il déchire au fur et à mesure. Ouais, il est balé d'un revers de la main, quoi, quasiment. Voilà, quoi, Superman meurt de suite de ses blessures, il n'arrive plus à se régénérer aussi vite qu'avant, et aussi il faut de nouveaux coups, et en plus, comme il perd du sang, c'est quand même une nouveauté pour lui, parce que c'est pas souvent que Superman saigne ou qu'il souffre. Surtout sans kryptonite. Ouais, c'est ça. Et il me semble que Doomsday a un petit peu de kryptonite dans son sang, quelque chose comme ça. Ah là, je serais pas sûr, parce que vraiment, dans la BD, on nous parle pas de kryptonite envers Doomsday, et on a littéralement une épreuve de force, hein, c'est-à-dire, il y a un moment, Superman se dit, bon, il faut que j'arrête d'essayer de l'éloigner, cette fois-ci, j'y vais à fond. Ouais, parce qu'en plus il est arrivé en pleine métropolis et il commence à faire le bazar et au lieu de l'affronter à l'extérieur de la ville, là il est en plein centre-ville, il est même devant le Daily Planet si mes souvenirs sont bons. Et donc là, bah, il trépasse, hein, Superman trépasse. Et c'est là, c'est un grand bouleversement qui est annoncé et c'est suivi par deux autres parties. On a une deuxième partie qui s'appelle Un monde sans Superman où on pleure un peu la mort du héros. Dans cette continuité, il y a un passage même où Superman passe par l'au-delà où il contacte il se connecte avec son père qui est décédé et c'est après son père terrien, on va dire, hein, pas Jonathan Kent. Ouais, Jonathan. Ouais, et quand il parle, elle lui parle, il y a une espèce d'aura mystique. Là, on retrouve un peu un Superman un peu plus spirituel avant pendant ce temps, on va dire, il y a trois Superman qui font leur irruption dans la métropolis. Alors, on a d'abord le Superboy qui a été créé par un laboratoire de génétique. Oui, qu'on retrouve dans Young Justice, d'ailleurs. Il y a le deuxième personnage, c'est l'Eradicator. Alors, l'Eradicator, en fait, c'est une espèce de sentinelle qui vient de la forteresse de la solitude, qui est censée veiller sur le corps de Superman, mais qui s'est transposé en une espèce de robot. Et il y a aussi le cyborg, celui qui est défiguré, dont la moitié de la tête ressemble à un Terminator. Et ces deux, et ces trois... on a le quatrième. C'est qui le quatrième? Tu t'en souviens plus? Steel. Steel, bien sûr, Steel. Moi, je le considère pas comme un Superman. Non, mais bon, c'est le mec qui, on va dire que ce sont les quatre qui prétendent être les nouveaux Superman, en fait. Les résurrections de Superman. Mais on sait tous que c'est pas ça et que, bien plus tard, ben, l'ami Superman il reviendra sans ses pouvoirs, avec son fameux costume noir avec son logo argenté. Il récupère ses pouvoirs un petit peu à la manière, je dirais, ta gueule c'est magique. Ça fait un peu manga, d'ailleurs, la façon dont il récupère ses pouvoirs. Ouais. Ça fait penser à Dragon Ball. Hein. Il passe par une période creuse et puis il se redécouvre petit à petit. Et puis, puis tout d'un coup, ça revient. Ça revient, et puis ça revient de façon exponentielle. Hein, c'est-à-dire qu'il dépasse même les limites d'avant. Hein. On lui retrouve normalement après ces périodes-là. Notamment le pouvoir de créer des supernovas en s'énervant, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a aussi le fait qu'il retrouve son costume et il a des cheveux longs, quoi, pendant une grosse période. Comme Nicolas Cage. D'ailleurs, on va parler un petit peu des projets, mais la mort de Superman a inspiré pas mal de projets cinéma. Moi, je vais passer en 1996, où je considère que graphiquement, c'est peut-être l'une des meilleures séries de Superman, un comic book qui est dessiné par Alex Ross, qui est quand même un des plus grands illustrateurs de l'univers du comic book. C'est le Kingdom Come. Alors là, on a en fait l'histoire des Superman de Terre 1 et Terre 2, où Superman de Terre 1 apparemment en lame, et le Superman de Terre 2 qui est à la retraite, sort de sa retraite, et il a même un nouveau costume, et il a même des mèches blanches à la Reed Richards. C'est comme ça que le représente Alex Ross. Et cette histoire, elle est très intéressante, parce qu'elle est un peu sombre, de voir que la Justice League, elle est un peu en déroute dans cette histoire-là. Et ce Superman-là, on l'aperçoit dans 2-3 caméos de Batman Beyond. C'est-à-dire qu'avec les mèches grises sur le côté, il dit au vieux Wayne que sa jeune recrue, qui est le nouveau Batman, enfin en fait qui est un clone de Bruce Wayne, je ne me rappelle plus son nom, McGuinness, je crois. Et on voit ce Superman, donc on suppose de Terre 2 à cause de ses mèches, qui essaye d'enrôler McGuinness dans la nouvelle Justice League. Ouais, et un peu complexe comme roman graphique, mais c'est super intéressant, puis c'est tellement beau au niveau visuel qu'on accroche à l'histoire. Ouais, par contre, non, moi, à l'histoire, j'arrive pas à accrocher du tout. Non, pas du tout. C'est quelque chose de redondant, il y a des mélanges avec les Flash Paradox, ça commence vraiment, moi, à partir de ce moment-là, je trouve que c'est vraiment des années où ça commence à être le gros bordel au niveau de toutes les licences DC, en fait. Bah, on va pas... Là, pour l'instant, on parle que de Superman tout seul, mais après, on va parler des terres alternatives, et là c'est autre chose. Qu'on va dire. Là, c'est, comme tu dis, le bordel organisé, quoi. Ouais, je vais un peu finir le côté un peu comics. Parlons des reboots style Droit du sang, Identité secrète, où là, on donne vraiment des origines alternatives à Superman. Il y en a un qui est particulièrement marqué dans le comic book, c'est le Red Son. C'est-à-dire que Superman, quand il arrive de Krypton, il atterrit pas aux États-Unis, il atterrit en Russie. Et donc, il se retrouve face à un Lex Luthor qui est président des États-Unis et un Batman qui est un peu le symbole de l'Amérique, quoi. Les rôles inversés, c'est-à-dire que là, Lex Luthor est dans le bon côté. Un peu comme dans Injustice, Gods Are Among Us du jeu vidéo. Là, on retrouve exactement, vraiment dans des grandes similitudes le même univers. Et c'est marrant de voir que ce Luthor-là a pu s'accomplir avant. C'est-à-dire qu'il ne se sent pas menacé par Superman. Là, il se sent menacé par ce que représente Superman. C'est pas pareil. Il y a toujours cette histoire d'armure en kryptonite aussi. Toujours l'histoire d'armure, sauf que là, l'armure, c'est pas une LexCorp, c'est une WayneTech. Mais il y a toujours cette histoire d'armure. Dans les années 2000, c'est beaucoup de reboots. Comme je disais, il y a aussi All-Star Superman, qui là nous marque un Superman qui vit sa dernière année en fait. Il est atteint d'une maladie, je ne me souviens plus très bien, mais apparemment, et c'est très triste comme histoire parce que, moi je vais spoiler un petit peu, mais apparemment, Superman finit dans les rayons du soleil. Quoi. On a aussi un grand événement dans 2011, c'est que Superman a un tout nouveau costume, c'est-à-dire que dans le New 52, le mec perd enfin son slip. Voilà, après des années et des années à vivre sur Terre, il a enfin compris que les sous-vêtements, c'était en dessous du pantalon. En dessous du pantalon, c'est ça. Et donc, un costume plus moderne, avec une ceinture rouge, tout ça, ouais, il a la classe. Hein. Il a la classe, et en plus, ça a été repris un peu dans les films. Mm. Voilà, ça devient plus un costume, ça devient un peu une armure, entre guillemets, à la Black Panther, tu vois, un peu plus technologique, ça vient de sa planète. Ouais. C'est plus résistant, plus confortable, il n'y a plus les auréoles en dessous des bras. C'est... Voilà, ça devient un peu plus technologique. Ouais, t'as un peu l'armure à la Stark, quoi, quand même, quelque part. Quoi. Ah, pas à ce point-là, quand même. Non, on se rapproche de quelque chose un peu plus moderne. Ouais, parce qu'il faut rappeler que le tissu du vêtement de Superman, à l'origine, c'est la couverture qui l'entourait dans son vaisseau spatial. C'est à partir de là qu'a été cousu le costume de Superman, si je me souviens bien. Bah, surtout au niveau du logo. Moi, de mémoire, c'était sa mère qui lui faisait ses costumes, mais je suis plus sûr de moi. Ouais, mais il me semble que quand même... La résistance du costume, je pense que c'est une matière kryptonienne. Mais bon, il faudrait vérifier, mais je pense que c'est ça. Voilà, tu parlais de Injustice tout à l'heure, justement, qui est un jeu vidéo aussi, et aussi un comics. D'ailleurs, il y a un sacré tollé au niveau de ce jeu vidéo, c'est qu'il est tellement bien réalisé, pas dans le jeu. Le jeu, c'est classique, c'est un Mortal Kombat, c'est casser la gueule à l'autre. Mais ils ont fait un jeu vidéo avec un scénario qui intéresse beaucoup les studios hollywoodiens et qui intéresse beaucoup les fans. C'est-à-dire qu'on nous montre donc une Terre 1, une Terre 2, et des personnages beaucoup moins manichéens que les autres personnages de la Terre 1, on va dire, parce que là, c'est vraiment des prises de conscience où Superman devient complètement mauvais suite à la mort de Lois Lane tuée par le Joker. Et là, il franchit sa limite et il explose le Joker littéralement. Et c'est là où Batman va décider de combattre son ancien allié Superman. Ouais, c'est encore une réminiscence du Batman versus Superman, quoi, en fait. Ouais, mais vraiment mieux tourné, c'est-à-dire que là, vraiment, il y a vraiment deux choix de camp. On a un Lex Luthor, justement, qui est beaucoup plus terrien. Il sent que Superman est une menace, mais pour une vraie raison cette fois-ci. C'est-à-dire qu'il a laissé Superman tranquille pendant des années, le temps qu'il tuait personne. Et le jour où il devient tyrannique, c'est Lex Luthor, même Deathstroke qui s'associe. Ça fait vraiment penser, aux terres parallèles, un peu miroir. C'est particulièrement sombre comme récit. Hein. Dès le départ, on voit que Superman, il maîtrise plus du tout ses nerfs. Ouais, puis tu m'aimes Shazam, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il attend que Shazam redevienne enfant et il explose la tête du gosse. Ah, ça, je l'ai pas vu, par contre. Donc, c'est pas montré directement dans le jeu vidéo, mais c'est bien quand même, on nous le signifie bien, quoi. Ouais, c'est vraiment une vision hard de l'univers DC, quoi. Oui, puis c'est une version qui avait existé aussi dans un univers parallèle d'ici. Donc, ça fait du bien un peu de sortir un peu des sentiers battus à ce niveau-là. Par contre, toujours Batman qui est toujours the top, quoi. Et lui, il n'a jamais été du mauvais côté. Ça n'a jamais été le vilain. Mais ça, on pourra en parler parce que de toute façon, l'année prochaine, c'est les 80 ans de Batman. Donc, ce sera l'occasion de revenir sur le Chevalier de Gotham, quoi, si tu le souhaites. Ah, volontiers. Bon, je vois que t'es plus Batman que Superman en plus. Ah, moi, je suis Team Batman. Ah ouais? On va faire une aparté. Moi, je suis très Superman, mais bon. Pour moi, c'est le super-héros qui arrive à se dépasser lui-même. Superman ne se dépasse jamais, parce qu'il arrive à 100% de ses pouvoirs que contre Doomsday. Tandis que Batman a eu des revers par Adam West. C'est pas pareil, hein. Sinon, pour moi, c'est plus vraiment un héros, parce qu'il transcende sa condition. Bon, après, des fois, c'est un peu capillotracté, qui arrive à battre Bane ou Gueule d'Argile avec ses combats ninja, faut pas trop exagérer. D'ailleurs, il y a un nouveau Batman ninja. Tu as vu le trailer ? J'ai vu le trailer, et j'ai un peu regardé aussi ce qui est sorti. Oui. Les graphiques sont sublimes, ouais. Pas de problème. Ah, c'est très beau. Par contre, l'histoire est à chier. Il y a des drôles de trucs en plus là-dedans. Enfin, on en reparlera. Je pense qu'il faudra plus en faire une aparté sur les 80 ans de Batman. On en reparlera le moment voulu parce que... Bon, le dernier mot que je voulais dire, c'est aussi que... un nouveau reboot en 2016 avec le DC Rebirth. Et là, c'est l'apparition du fils de Lois et Clark, qui s'appelle John. Et là, en fait, on retrouve souvent des crossovers entre, le jeune John et le jeune Damian Wayne, justement, qui est le fils de Bruce et de Talia al Ghul, si mes souvenirs sont bons. Ouais, d'ailleurs, Damian Wayne, là, je connais pas trop la série dont tu parles, mais si on regarde Bad Blood, par exemple, on voit que Damian Wayne, il a pris de son père au niveau du combat, mais il a beaucoup pris de sa mère au niveau de ses réflexions. Ouais, c'est vrai qu'il est un peu extrémiste, le jeune. Il est encore plus extrême que Ra's al Ghul dans certains passages. Ouais. C'est un Robin qui est vraiment hardin, des fois. Oui, puis c'est un Robin qui a toujours refusé et très mal pris que les autres prennent l'identité de Batman. Quand Grayson a dû prendre l'identité de Batman suite à l'enlèvement de Bruce, quand même mis des bâtons dans les roues à Grayson et carrément essayé à ce qu'il enlève le costume de Batman. Bah, on parlera de Damian parce que c'est quand même un personnage complexe et intéressant quand on abordera le gros dossier sur Batman. Oui, c'est l'un des personnages les plus tiraillés de l'univers d'ici. D'ailleurs, ils ont passé cette semaine, ils ont repassé tous les longs métrages d'animation avec en quatre parties là où justement Bruce rencontre son fils. Mais ça, on abordera plus. Voilà, donc pour la partie comics, tu voulais peut-être ajouter quelque chose. Moi, je voulais juste ajouter que voilà, il y a eu, c'est assez redondant. Il y a eu une période faste, il y a une période ce qu'on dit or, argent, bronze. Mm-hmm. Et que là, en ce moment, on essaye de relancer l'univers DC. Et à cause de mauvais choix scénaristiques, surtout au niveau des films, moi, je pense que c'est une licence qui a perdu énormément de souffle, la licence Superman. Ah, moi, j'ai l'impression que de reboot en reboot, on essaye d'innover, mais finalement, c'est toujours la même soupe. Il n'y a pas vraiment de nouveauté. On change les illustrateurs, les scénaristes, ils recyclent. Ils prennent pas vraiment de risque avec les personnages. Bah, ils essayent de montrer que, par exemple, Lane sait réfléchir parce qu'elle découvre l'identité de Superman facilement, en faisant une enquête journalistique dans les films. Dans les BD, heureusement qu'il y a eu le Flash Paradox pour tout remettre à zéro, parce que sinon, on commençait à s'enliser dans Terre 1, Terre 2, et Superman est mort, mais il n'est plus mort parce qu'il est mort alors qu'il n'est plus mort. Ouais, ça commence à être vraiment redondant. Et là, avec les New 52 et donc les incidents le DC du Flash, du Flash Paradox, en fait, ça fait comme l'univers Ultimate dans Marvel. Hein. On prend des bases, on efface tout et on recommence. Par contre, là, on met beaucoup plus de logique dans les personnages. Bah, tu citais l'univers Ultimate. Et là, Marvel est en train de commencer, c'est-à-dire qu'il remplace Tony Stark, Bruce Banner par d'autres personnages. Mais on voit que ça se prend pas apparemment. Bah, ça se prend pas, par exemple, pour le Hulk, qui est devenu un Chinois. Amadeus Cho. Voilà. Mm-hmm. Après, ça prend pas pour Stark où c'est une fille qui prend la relève. Riri Williams, si je fais bien. Et par contre, pour Miles Morales, ça prend super bien. Ouais, ça a été fait avant ça aussi. Ouais, mais je veux dire, là, c'est encore l'Ultimate qui a repris le truc. Et Miles Morales devient... Mais tu vois, ils ont été l'intelligence de continuer dans la lignée de Parker. C'est-à-dire que Miles Morales devient Spider-Man parce qu'il supporte pas ce qui est arrivé à Peter. D'accord. Donc là, lui, il choisit de prendre les rênes. Et il lui est arrivé des trucs pas cool, mais pas des grosses catastrophes comme Parker. Et il est beaucoup moins torturé que Parker. Ouais, moi, je connais pas beaucoup l'arc de Miles Morales. Mais par contre, je sais qu'il y a eu beaucoup d'histoires de clones avec Spider-Man. Il y a eu Ben Reilly, qui est Spider-Man plus violent parce qu'il est manipulé par Octopus au début. Oui. Donc voilà. Après, dans les Spider-Man, il y a eu l'agent Venom, Flash Thompson. Ouais, la saga des clones. Et ouais, puis en gros, c'est tous les potes à Spider-Man, enfin à Peter Parker, qui deviennent des Spider-Man potentiels. Donc. Ouais, et le 2099 par exemple. Avec la grande histoire du Spider-Man supérieur aussi. Donc voilà. C'est donc, là, ça serait plus dans l'univers Marvel. Iron Spider, voilà, des trucs comme ça. Ouais. Mais là, par contre, pour revenir sur DC, au niveau Superman, il y a quand même eu beaucoup de morts, pas morts, remorts, j'ai plus mes pouvoirs, je récupère mes pouvoirs. Des itérations. Qu'on a traîné. Là, c'est en train d'être mis à plat. C'est pas un univers Ultimate, c'est un univers New 52. Il y a du bon, il y a du mauvais. Pour l'instant, au niveau de Superman, c'est du plat. Si on prend la licence Wonder Woman, il y a du bon. Ils ont enfin donné un background beaucoup passif, plus adapté pour Wonder Woman. Ouais. Et par contre, au niveau de Superman, je crois qu'en fait, c'est parce que... C'est un peu statique, quoi. C'est statique, quoi. Si on prend Batman, c'est vrai que c'est aussi statique au niveau de Batman. Par contre, il y avait un arc intéressant que j'avais essayé de lire. Il est pas sorti en français. Je sais pas s'il est sorti en français. C'était que c'était une espèce de what if, comme tu dis, là, un univers alternatif où en fait Krypton n'a jamais explosé et donc le jeune Kal-El grandit dans une Krypton. En fait, il développe des situations que le fait que Superman soit le fils de Jor-El et tout ça, que il y a des révoltes et tout. Et j'ai trouvé que c'était super intéressant de ce côté-là, tu vois, de présenter le Kal-El plus que Superman. Ouais, dans ce cas, c'est pas Superman, ouais. C'est Kal-El. L'idée est intéressante. Mmh. Hein. Faut pas hésiter à choquer des fans pour promouvoir quelque chose qui peut être bien, ça c'est sûr. Ouais. Mais moi, je trouve que par exemple là, au niveau des comics, et on va revenir juste après des films et des cartoons, mmh. Enfin, des dessins animés, ouais. C'est assez redondant. Après la partie comics, on va aborder le. Il y a une partie. On va développer un peu plus la partie crossover. Alors, quand je parle de crossover, je parle en fait aussi du fait que Superman partage la vedette avec d'autres super-héros. Le premier crossover pour moi, c'est celui de 1940, c'est-à-dire que c'est la première apparition de la Société de Justice d'Amérique, qui définit déjà c'est la Terre 2, je pense. Hein. Non, c'est Terre 1. Oh, faut que je m'embrouille avec les... Il y a 52 terres parallèles, donc comment tu ne peux t'embrouiller ? Et on est obligé de s'embrouiller, parce qu'après, il y a eu le Flash Paradox qui a remis des terres qui ont fusionné entre elles, etc. Donc moi, je vous dirais juste que la JSA, donc la Justice Society of America, H d'or. C'est ça. Mais dans cette Société de Justice d'Amérique, Superman est un peu figurant. Quoi. C'est pas lui qui ressort. Quoi. On voit qu'il apparaît aux côtés de ses potes Wonder Woman et Batman. La Société de Justice d'Amérique, c'est pas vraiment Superman qui est au cœur de l'intrigue. Quoi. Il y a Docteur Destin, un truc comme ça, je sais plus. Oui, Docteur Fate. Ouais, c'est ça. Et il y a d'autres super-héros qui sont un peu moins connus, quoi, des têtes un peu moins connues. Quoi. Hawkman, par exemple. Ouais, aussi. Voilà, quoi. Mais pour moi, c'est vraiment la première apparition de Superman dans un crossover. Bien sûr, après, t'as celui qui va marquer un peu tout l'univers du comics jusqu'à aujourd'hui, c'est la coopération entre Batman et Superman en 1941, dans le célèbre comics World Finest, que tous les fans connaissent. C'est-à-dire que là, ils sont à trois pour enquêter, et puis Superman apporte un concours au duo de Batman et Robin. Ouais, Superman devient la force brute, et Batman, là, vraiment, le cerveau. Ouais. C'est là où on commence vraiment à voir les clichés de... il y en a, il représente la force brute, littéralement, Superman. Mmh. Bon, c'est pas un débile mental non plus, dans les crossovers. Hein. Non. Mais t'as vraiment Batman et Robin qui sont là pour l'enquête. C'est le côté, j'ai l'impression que ces comics, c'est plus des enquêtes que de véritables intrigues un peu spatiales. Et, on est tantôt à Metropolis, tantôt à Gotham, quoi. Ouais, puis c'est des affaires qui concernent soit Gotham, soit Metropolis, mais comme tu dis, c'est pas des trucs avec Hal Jordan qui vient chercher de l'aide parce que il n'y a pas de surnaturel. Ouais, il n'y a pas de surnaturel, c'est vraiment. Ils ont volé des trucs, faut les retrouver, puis voilà. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu basique, quoi. Le truc de Paul. C'est un peu le point de départ de Batman, hein, c'est un détective en fait. Et puis, on va passer directement à 1960, et là c'est quand même plus sérieux parce que c'est l'apparition de la Ligue de Justice d'Amérique, quoi. Là, c'est là qu'on définit bien qu'il y a une deuxième Terre, c'est-à-dire Terre 2. Là, qu'est-ce qu'on retrouve dans la Société de Justice d'Amérique ? Les premiers membres, c'est Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, je pense, Flash, et est-ce que Green Lantern était déjà là ? Alors, moi, la question que je me posais, c'est est-ce qu'il y avait le Martian Manhunter et Green Lantern, justement ? Ouais, Martian Manhunter, le. Alors, de mémoire, dans chaque Justice League. Martien, normalement, dans chaque Justice League, il y a eu un Green Lantern. Mmh. Mais alors là, je suis pas du tout sûr de moi. C'est le Green Lantern qu'on voit au début de Justice League, le gigant. Bah, en Green Lantern, on a. C'est Hal Jordan, tu parles, toi. Non, il y a Hal Jordan en Green Lantern. Après, il y a le Black, que je me rappelle plus comment il s'appelle. Il y a même eu des Green Lantern un peu fantaisistes. Il y en a un qui écrivait des BD ou des comics et machin. Et puis, il reçoit un anneau et puis il devient une Green Lantern aussi. Et de mémoire, il y a même eu un joueur de baseball en Green Lantern. Ouais, mais c'est pas les plus connus, hein, pour. Ah non, clairement, non, c'est clairement pas les plus connus. Mais pour moi, dans la Justice League, il y a toujours eu une Green Lantern. Donc voilà, cette Justice League d'Amérique qui a marqué. Qui est pas mal de décennies dans l'univers d'ici. Mais il n'y a pas que, il y a plein de super-héros derrière qui sont arrivés. Il y a même des personnages un peu ridicules des fois. On a eu Blue Beetle par exemple. Je mets au défi quiconque de sans avoir vu Batman Alliance de savoir qui c'est Blue Beetle ou Booster Gold. Hein. Voilà, il y a eu des personnages vraiment. On se demandait qu'est-ce qu'ils foutaient là. Il y a même eu Lobo dans la Justice League. Lobo, d'accord. Donc, enfin, Lobo a quand même une espèce de prestance un peu bizarre. Quoi, mais très peu de gens connaissent Lobo. Voilà. Ouais. Donc, maintenant, on a la Justice League Dark quoi, avec Constantine et tout ça. Là. Oui, John Constantine, Zatanna, Dr. Fate. Il y en a pas mal quand même. Ouais. Donc, mais ça, c'est beaucoup plus tard en fait hein. Et là on va s'arrêter à un crossover que j'aime particulièrement, c'est 1976, c'est Superman contre Spider-Man, donc édité par DC et Marvel. Donc replaçons dans le contexte, crise financière de la bande dessinée, très peu de ventes, DC comme Marvel étaient au bord de la faillite. Et ils se sont dit, on va faire plaisir, on va se faire du blé en faisant un crossover entre nos deux meilleurs super-héros, ouais. Sachant que Spider-Man a eu plus de notoriété que Superman à un moment. Et donc, ils ont fait des crossovers avec Superman. Ça sera pas versus, c'est avec Spider-Man et même Spider-Man avec Batman. Bah, dans le premier, si, ils se battent l'un contre l'autre parce qu'en fait, Superman est manipulé par Luthor pour justement se battre contre Spider-Man. Qui lui, il y a une alliance entre Luthor et Octopus. C'est ça la grande originalité du comic book. Et effectivement, dans le deuxième, c'est Superman et Spider-Man. En 1981, c'est qu'ils s'allient tous les deux contre le Docteur Fatalis, en fait. Et là, c'est édité par Marvel. On peut pas dissocier, je dirais, les deux récits, vu que aujourd'hui, ils sont considérés comme cultes quasiment. Oui, puis c'est des choses qu'on reverra plus jamais. À moins que Disney veut aussi racheter le DCU, mais sinon, c'est des trucs qu'on verra. Il était encore la question à un moment qu'ils rachètent la Warner, quoi. On va voir l'Empire Galactique Disney, hein. Parce que de toute façon, là, qu'est-ce qu'ils ont acheté? Ils ont acheté, on fait un hors-sujet un petit peu, hein. En fait, c'est quelque chose qui pourra nous faire comprendre, voilà. Ouais. Là, il y a eu des crossovers, ça a été fait par 2 millions d'éditions pour essayer de remonter leurs ventes. Ouais. Et c'est des choses comme ça qui, après, font qu'il y a eu des tentatives de rachat de Disney ou de la Fox ou de la Warner entre eux. Et là, c'est vrai que Disney, a racheté la Fox. Donc, la partie spectacle de la Fox, hein, pas la partie, je vais dire sportive de la Fox, et pas la partie journalistique de la Fox, mais voilà. Des licences, quoi. Ouais. Ah, au niveau des licences, là, ce qu'il faut savoir, c'est que Disney est maintenant propriétaire des licences Marvel, et X-Men, et 4 Fantastiques. Et pas que, il y a aussi la Bête des Singes, Alien, tout ça, là. Ouais, s'ils font le crossover avec Alien aussi, voilà, mais techniquement, c'est faisable. Venir sur le papier, c'est faisable. Après, c'est un truc super décalé, quoi, opportuniste, quoi. Ouais, c'est opportuniste, mais je veux dire, techniquement, ils ont les droits. Je vais parler d'un autre crossover qui me tient aussi à cœur et qui a marqué la décennie en 1977. 1977, d'ailleurs, une date qui est mémorable dans la mémoire des fans, vu que c'est la sortie de Star Wars, mais bon, celle-là, fallait que je la place. Sans Star Wars? Ouais, je pense pas qu'on va y arriver. Ce n'est pas un podcast, les podcalés. là, c'est le Superman versus Wonder Woman, quoi. C'est carrément les deux légendes qui sont face à face, quoi. Et sachant que, Superman, c'est la mascotte masculine, entre guillemets, de l'univers d'ici, et Wonder Woman, c'est pas un faire-valoir comme Batgirl ou Supergirl. C'est ça. C'est une héroïne à part entière qui a pas d'équivalent masculin. Il y a vraiment une puissance, c'est Dieu contre Déesse, quoi. C'est le choc des titans, on va dire. Ah, mais c'est clairement ça, les deux plus grosses licences du DCU de l'époque. Bon, je crois même encore maintenant, il y a peut-être Batman qui est encore plus gros qu'eux, mais au niveau compétences et pouvoirs, ils ont de quoi se battre sur un pied d'égalité. On va aborder le gros morceau maintenant, du crossover. Et en 1985, on a vu débarquer les Terres Parallèles, avec cette saga qui sera une trilogie finalement. Oui, les Crises of Infinite Earths. C'est ça. En français, la crise des Terres Multiples. C'est exactement ce qui est arrivé dans la saison 3 et 4 de The Flash. C'est vraiment la réunion de tous les super-héros, que ce soit Terre 1 ou Terre 2. Je sais pas s'il y en a plus que ça, mais... 52. Ouais, puis on a le Superman avec ses cheveux gris, tout ça, et on a le Superman. Avec, Reed Richards, En fait, c'est un équivalent de... Parce qu'à la même période, je crois qu'on avait Guerre Secrète chez Marvel, qui rassemblait justement tous les super-héros Marvel, et on avait un peu cet équivalent chez DC. Alors, je sais pas qui a lâché le premier morceau, mais chez DC, c'est quand même assez pharaonique au niveau des personnages. De toute façon, que ce soit Marvel ou DC, il suffit que l'un fait quelque chose qui marche pour que l'autre soit copié dans le même prorata. Ouais. Et puis, on a quand même des dégâts parmi les Terres, c'est-à-dire qu'on a la mort de la Supergirl originale, et puis l'apparition des Terres Multiples qu'on ne connaissait pas du tout, en fait. Enfin, si, ça avait été suggéré dans un épisode, dans un comics de Flash. Ouais, puis ça s'arrêtait à 1, 2, 3, 4, 5, 10 Terres, peut-être, à la rigueur, mais pas 52 comme on avait. Ouais. Et c'est vrai que ça, comme ça rapproche de ce que je disais tout à l'heure, c'est là où ça commence à être le gros boxon au niveau des histoires. Ouais, c'est ça, c'est qu'il faut, se démarquer, t'as le Superman, en fait, le Superman de Terre 1, de Terre 2, c'est celui de Byrne, et t'as celui qui existe depuis 1938, qui est celui de Terre 1. Enfin, je sais plus le bordel, mais excusez-moi, mais ça devient super difficile de s'y reconnaître, quoi. Et en plus, ils ont voulu faire dans ces trucs-là plaisir à tous les fans, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont ratissé large, ceux qui aimaient bien suite 39, ils s'y retrouvent. Ceux qui aimaient bien les années 70-80, ils s'y retrouvent aussi. Alors, le problème, c'est que en fait, ils s'y retrouvent que dans certains morceaux. Si tu veux suivre l'histoire globalement, t'y arrives plus. Là, franchement, moi, je suis perdu dans la licence DC, dans ces époques-là, je suis complètement perdu. Je vais pas te dire une histoire globale tellement qu'avant le Flash Paradox, c'était le gros bordel, quoi. Avant la fusion des univers qui restaient, c'était Pas le gros bordel. C'est ça, c'est pas Crisis, c'est pas la crise des terres multiples, c'est le bordel des terres multiples, on va dire. Ouais, c'est quand même un événement hein, dans l'histoire du comics, cette crise des terres multiples, avec tous les morts de Terre 1 et de Terre 2, finalement. Et encore une fois, c'était la grande mode à l'époque de faire claquer ses super-héros. Ouais, c'est ça. Ça a commencé là, et dans Guerre Secrète aussi, au moment où il y a des morts, mais bon, c'est qui ne le reste pas longtemps, d'ailleurs. Ah bah, que ce soit chez DC ou chez Marvel, on n'est pas mort longtemps. Non. Ouais, donc, c'est une trilogie, parce qu'il y a eu deux autres volume en 94 et en 2008, donc ça s'est terminé, et je vais aborder un petit peu le côté crossover opportuniste, c'est-à-dire qu'on va attaquer Superman qui débarque dans d'autres licences. Alors tu veux peut-être en parler? Ouais, je voudrais juste parler de un qui m'a choqué, je sais même pas s'il est noté un peu dans ce qu'on a préparé. Il y a même eu un Superman contre Mohamed Ali. Oui, c'est vrai, tu fais bien de le signaler celui-là, parce que c'est un numéro qui se vend très cher. Hein. C'est un numéro qui se vend très cher, bah, l'histoire hein, c'est digne de l'agence touriste, hein, c'est-à-dire Superman et Mohamed Ali se font enlever par un peuple extraterrestre, ils veulent faire combattre les deux héros de la Terre dans une arène, il prive Superman de ses pouvoirs et il se fait latter la tronche par Mohamed Ali. C'est vrai, parce que lui, c'est le plus grand des boxeurs, donc il faut bien que... Je crois que c'est dans les années 70 cette histoire. Ouais, je pense que ça doit être dans ces années-là, mais bah, pour te montrer bien l'opportunisme dès qu'il y a un petit peu de blé à se faire. Ouais, mais bon, faut dire que les planches, elles sont belles, hein, quand même. Ah, c'est très bien dessiné, c'est très bien dessiné, c'est fluide dans l'histoire, mais... Mais c'est creux. Ouais, quoi. C'est un scénario digne de l'agence touriste. Ouais, c'est creux. Ouais. Bon, en même temps, voilà, ça fait un peu comme si je vous disais... Alien versus les Schtroumpfs, rien qu'au titre, tu sens que ça va pas aller, quoi. Donc voilà. Là-bas, pour parler d'Aliens, d'ailleurs. Je l'ai pas mis dans. Mohamed Ali, je l'ai pas mis dans les crossovers, mais c'est vrai que j'aurais pu le mettre, mais je l'ai pas mis parce que c'est pas un héros imaginaire, Mohamed Ali, donc c'est pour ça que je l'ai un peu oublié. Mais ouais, à propos d'Aliens, toutes les licences de la Fox et d'Orion. Je parle de Superman versus Aliens, Superman versus The Terminator, Superman versus Predator. Alors, tous des personnages qui, quand même, ont un beau succès au cinéma, parce que ce sont des icônes du cinéma de science-fiction dans cette année-là. On a du mal à voir que l'homme d'acier se frotte. Il est même dans l'histoire d'Aliens, il est même. Il est limite fécondé par un facehugger. Ouais, c'est ça, c'est limite, ouais. C'est limite, mais il arrive, je sais pas, par quel tour de magie à empêcher que le bestiau sort. On fait un peu le ridicule, quoi, des fois. Encore des producteurs avides de pognon, ils se sont dit, tiens, Alien, ça a marché, Predator, ça a marché. Ouais, Superman, serait bien de le relancer, bah voilà. C'est des crossovers, pour moi, qui ont pas lieu d'être. Par contre, quand tu prends Batman versus Predator... Oui. Ah, celui-là, il est excellent. Hein. Celui-là, il est bien meilleur que ceux de Superman. Hein. Bah, moi, je l'ai trouvé bien meilleur, mais j'étais parti pris parce que je suis team Batman, mais c'est vrai que je l'ai trouvé bien, parce que là, t'as quand même un Batman qui se fait littéralement latter la tronche par un Predator, qui est sauvé par Alfred. Enfin, Alfred se bat pas. Hein. C'est-à-dire qu'il est récupéré in extremis par Alfred, soigné. Après, il fait une armure qui fait largement penser à l'armure de BVS, Batman versus Superman. Et après, il latte le Predator. La grosse armure de Dark Knight Returns, quoi. Ouais, littéralement. Ouais. Hein. Et comme tu dis, c'est tellement culte, ce comic book Batman versus Predator, qu'il y a même une espèce de long métrage qui s'appelle Batman Dead End, qui est circulé sur internet, qui était très bien fait d'ailleurs, avec très bons effets spéciaux, et il reprenait justement l'affrontement entre Batman et le Predator, avec un petit peu d'Alien derrière, quoi. Mais c'était tellement bien fait que c'est devenu culte, quoi. Il y a toujours des bonnes idées à avoir, ça peut être bien fait. Là, au niveau des BD de Superman versus The Terminator, Aliens ou n'importe quoi, le problème c'est qu'à chaque crossover, ils ont repris l'univers graphique du film correspondant. C'est donc pas de Superman. Il y en a certains, ça marche à peu près, il y en a, ça marche pas du tout. Non, c'est vrai que Batman versus The Terminator, t'as quand même du mal à croire que le Terminator, il va écraser Superman, quoi. Surtout qu'à un moment, bon, pas dans ces crossovers-là, mais t'as Superman qui arrive à faire fondre Metallo avec ses visions laser, et là, tu te dis, bah, y a qu'à faire la même chose, hein. Non, je sais pas, je les ai pas lus, hein, je les ai pas trouvés en lecture, mais rien qu'à lire les résumés en Wikipédia, je me suis dit, non, c'est pas élaboré, on voit l'opportunisme, ça flaire la recherche du pognon, quoi. Ouais, t'as un bon aspect graphique, je serais plus te dire sur lequel. Je crois que c'est sur Predator, d'ailleurs. Mais t'as un bon aspect graphique, bien stressant, etc. Oui. Mais où tu te dis, non, mais c'est un Predator, hein, c'est pas Doomsday. Hein. Il tire sur Superman, ça rebondit, et puis l'autre, il a la vision X, donc voilà, il la prend, il le chope, il l'explose, quoi. Ouais, c'est ça, il y a le rapport de force, encore une fois, quoi. Voilà, on a un peu nerfé Superman à ce niveau-là, parce qu'il est beaucoup moins fort dans ses BD que ce qu'il ne l'est réellement. Même dans ses premières versions de 1939, il était plus fort que ça. Donc, nerfé un personnage pour ça, je pense pas que c'est quelque chose à faire. Et puis je pense que ça a donné surtout les licences à des jeux, quoi, parce que on a eu des Superman versus Alien sous Predator. Bah, ouais, puis dans les années 80-90. C'était un jeu de baston finalement. Ouais, voilà, un jeu de baston, ça passe. Il y a même eu l'univers DC qui a été repris par Mortal Kombat. Ouais, aussi, ouais. Bah, ça passe, c'est un jeu de baston, il n'y a pas à réfléchir. Faire un scénario avec ça, c'est un peu compliqué. Alors que le scénario Justice Gods Are Among Us, oui. là on y croit. Là, y a parce qu'ils ont respecté tous les univers. Il y a du potentiel, on va dire. Ouais. Bah, pour cette partie crossover, c'est terminé. On va pas passer à la partie animation, si tu veux bien. Ah, les parties animation où je vais être un peu plus prolifique parce que là, je m'y connais quand même pas mal. On va attaquer la partie animation. Donc l'animation, on peut dire que Superman, la première série animée de Superman, c'était en 1941, donc à l'initiative de Max Fleischer. Max Fleischer qui est pour beaucoup le créateur de Betty Boop, la pin-up rétro, je vais dire. Et Max Fleischer, c'est une première série de 17 épisodes, alors avec une animation quand même rudimentaire. Hein. Ouais, rudimentaire, mais quand même bien faite pour l'époque, sachant que je les compare surtout à ce que c'est Disney en niveau propagande avec Donald, etc. Ouais. Parce que c'est de la propagande, hein, littéralement de la propagande guerrière, hein, c'est-à-dire on est en pleine guerre mondiale, et là ça se voit. Hein, c'est un peu comme Donald qui devient Führer ou des trucs comme ça, c'est pile dans les mêmes schémas de dessin animé, en plus sérieux quand même. C'est le générique est très connu de cette série, parce que le leitmotiv c'est un oiseau, c'est un avion, non, c'est Superman. Ah ouais, c'est exactement ça. Is it a bird? Ouais, is it a plane? No, it's Superman. Et c'est et là où on voit le VO, c'est resté. On voit dans le générique qu'il saute au-dessus d'un immeuble qui vole pas. Ouais, au début, il vole pas. Quoique, à un moment, il se fait bombarder par des rayons atomiques par un scientifique allemand fou. Enfin, toujours allemand, de toute façon. Allemand et fou. Ce sera allemand, fou et scientifique. Ouais. Hein. Ouais. Et là, il me semble justement qu'il expulse avec ses poings les boules d'énergie. Bon, il fait pas des kamehameha, hein. Il tape les boules d'énergie avec ses poings. Et là, il me semble l'avoir vu voler. Ah, peut-être qu'il. Ouais, mais est-ce qu'il vole ou est-ce qu'il l'évite? Moi, je demande, est-ce qu'il vole ou est-ce qu'il a pris de l'élan, comme tu dis, pour sauter? Mais enfin, bon, là, c'est du détail. Ouais. Mais c'est vrai que là, on a, donc, dans ces dessins animés-là que j'ai vus, parce qu'ils sont trouvables, pas libres de doigts, mais ils commencent vraiment à se trouver assez facilement, surtout en VO. Et ouais, bon, là, c'est de la propagande guerrière, avec un Superman qui représente les États-Unis, hein, littéralement, et voilà, qui se bat contre les vilains nazis. Il va botter le cul des méchants, quoi. Ouais, il va botter le cul des nazis, c'était l'époque, c'était la guerre, voilà, la toute puissance. Voilà. C'est un bon début, mais on a déjà l'image patriotique du super-héros, quoi. Bon, les schémas sont très enfantins, hein. La menace arrive, c'est la catastrophe, Superman arrive, sauve la situation, fin. C'est toujours le même scénario. Ouais. Puis ça dure pas longtemps, ces épisodes en général. Bah, en même temps, c'était pour les faire passer au début des films. Ouais. Dans les cinémas, comme c'était beaucoup le cas avant, donc évidemment, c'est pas des trucs qui vont durer 45 minutes. Ouais, c'est comme les sérioles dont on parlera tout à l'heure. Bah, je propose qu'on passe en 1966, vu que entre deux, c'est plutôt des sérioles qui sont passées des séries TV. 1966, c'est les nouvelles aventures de Superman, une production filmation, où là on retrouve justement plusieurs. C'est une espèce de rendez-vous un peu hebdomadaire. Ouais, c'est comme un soap, mais c'est en dessin animé. Et là, bah, y a plusieurs personnages qui connaissent des aventures, dont Superboy, Batman et Aquaman. Oui, et puis un Aquaman à l'époque, très. Ouais. Très cliché, hein. Chez le blondinet. Ouais, le blondinet avec toujours ses mains sur le torse. Ouais. Voilà, c'est les mains sur ses hanches là. Je suis Aquaman. Il fait penser à Dolph Lundgren quoi un petit peu. Ouais, voilà exactement. Il y a un petit côté Dolph Lundgren avant l'heure. Voilà quoi, bon, c'est un petit peu fantaisiste. Bon, les graphismes sont un petit peu rudimentaires aussi. Je dois dire que au niveau des détails tout ça, c'est meilleur. Des fois l'animation est un peu médiocre. En même temps, c'était des trucs faits vite. C'était à la chaîne donc. C'était commencé à être un peu à la chaîne, comme certains mangas de Dragon Ball Super qu'on voit maintenant qui sont graphiquement horribles, le temps qu'ils soient retravaillés en DVD. Mais là, à l'époque, en même temps, des graphistes super doués, il n'y en avait pas des masses. Ouais, c'est sûr. Bon, je vais passer en 73 et là, tu veux peut-être en parler de cette série, Super Friends. Ah, bah, c'est le pire, c'est que c'est une des séries qui a fait connaître la Justice League, on va dire aux Français et aux Européens. Alors, vous avez des doublages assez sympathiques sur internet, hein, quelques exemples de doublages des Super Friends avec notamment un Batman qui parle comme ça, Robin, puis tous des trucs comme ça. Voilà, on a un moment des jumeaux qui se tapent dans la main, qui peuvent se transformer en ce qu'ils veulent dans Super Friends, et puis ils se font manipuler par Nixon Plick. dur à dire. Ouais, lui aussi. Et puis il se transforme en yo-yo ou des trucs comme ça. Mm-hmm. Donc voilà, c'est du Hanna-Barbera. Ouais. On est entre la Justice League pour demeurer attardé et Crazy Racer, quoi. Les Racy Racer. Il y a un côté Scooby-Doo dans cette série. Ah bah, il y a même eu un crossover avec Batman et Scooby-Doo. Hein. Ouais, mais ça, c'est récent, ça. Ah non, non, il y a eu un crossover des Super Friends avec Batman et Scooby-Doo. Ah bon, de d'accord. L'époque. Ah oui, il y en a eu un de récent qui est incroyablement. Hanna-Barbera, quoi. Bah ouais, c'était. Là, c'est à la chaîne, on peut dire. Ah là, oui, dessin animé à la chaîne, graphisme, limite recyclage d'animation quand on n'a pas trop le temps de dessiner, quoi. Et le truc, c'est que ça a quand même duré jusqu'à 85, hein. Mais le pire, c'est que, voilà, c'est des trucs qu'on peut pas le reprocher forcément à DC ou à Hanna-Barbera, parce que si on prend les Spider-Man qui avaient été tournés dans la même période, ils étaient du même acabit, hein, même jeu d'acteur, même animation pourrie et même intrigue que pour les gosses. Ah oui, le Spider-Man de 78, si je me souviens bien, il était quand même corsé hein, au niveau graphisme. On avait l'impression que c'était des acteurs les pour les perspectives, quand on voyait Peter Parker qui tourne sa tête, ça fait peur hein, quand des fois. Donc voilà, c'était pas quelque chose qui était spécifique à Hanna-Barbera, mais je pense que c'était quelque chose qui était spécifique au manque de temps de l'animation, puis en même temps les super-héros, je suis désolé, dans ces années-là, on s'en battait les steaks. Ouais, c'est sûr que c'était pas une licence qui était très rentable, on va dire. Puis c'était pour les gamins. Mmh. Ouais, c'est les jeunes publics. Bah, on va faire un sacré bond dans le temps, avec, on va arriver en 1980. Et là, je dois dire que là, Superman rentre dans une période d'animation assez intense et plus riche, on va dire graphiquement. Graphiquement, ça se rapproche d'ailleurs très fortement de ce qui est arrivé à Batman. C'est-à-dire qu'on retrouve dans les Superman de ces années-là et dans là le Superman de 96, je trouve que l'animation se rapproche de ce qu'on voyait dans Batman sur France 3 à l'époque, ouais, qui a fait exploser les super-héros en France. Ouais, bah, faut savoir que de toute façon, c'est le même directeur qui a fait ça, c'est Bruce Timm, il me semble. Et donc, c'était sur Superman, l'ange de Métropolis. Ouais, c'est la série de 54 épisodes. Moi, c'est la série qui m'a fait découvrir Superman. Ouais. J'ai connu avant, enfin, il y avait Super Friends, mais ça compte pas. On va dire ces personnages un petit peu en V. Ah oui, ouais. Avec des jambes qui ne peuvent pas porter un corps. C'est vrai que quand tu vois les personnages, ils sont tous en V, ils sont bizarres. C'est étrange, quoi, au niveau d'animation. Et en même temps, c'était ce qu'ils faisaient graphiquement à l'époque. Ouais. D'ailleurs, bah, tiens, je vais rebondir, parce que là, c'est quelque chose donc j'ai déjà dit sur Batman. Mmh. Et en même temps, dans ces séries, quand on voit Superman, il n'y a pas l'air très costaud. Et quand on voit Clark Kent, on dirait une armoire à glace. Ouais, parce qu'à mon avis, il met des costumes qui sont trop serrés pour lui. Et ça se ressent. Et voilà, quoi, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il fait super balèze quand tu vois Clark Kent. Bah, c'est vrai que Clark Kent, il a l'air super méga balèze, bien carré et tout. Et ouais. Superman, il a l'air un peu moins V que les autres. C'est vrai. Mais bon, cette série-là, c'est agréable à regarder, quoi, finalement. Ah bah, elle nous présente quand même des bons épisodes. Ouais. Hein. Il y a... Bah, ça va, c'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fil rouge, donc ça va. Mm. Mais c'est dans cette série-là où j'ai connu la première fois Mixon Plick. Après, d'autres, hein, comme Metallo. Ouais, Brainiac. Brainiac, moins méchant que d'autres Brainiac. Hein, mais c'est là où la chronologie ou l'univers de Superman, j'ai appris à un peu plus l'apprécier. Donc, bah, on va passer dans les années 2000, parce que là, c'est vrai qu'on note qu'à partir de là, la production Warner a été prolifique. Moi, je vais juste revenir sur les années 96-2000. Oui. Voilà, on dit que c'était bien dessiné, que c'était correct, etc. Mais je veux dire, en face, chez la concurrence, il y avait les X-Men. Et ça, c'était bien dessiné, avec une belle intrigue et tout, et beaucoup plus d'action, et mieux réalisé au niveau du graphisme. Ouais, il y avait plusieurs séries X-Men. Tu parles de Wolverine et les X-Men ou... Non, je parle de la série X-Men. X-Men, d'accord. Qui était sortie sur Fox Kids dans les années 2000. Et ça datait donc de ces années-là, et c'était graphiquement beaucoup mieux. On s'éloignait de Transformers ou des trucs comme ça. Pas les films, les dessins animés qui étaient très carrés, très mal dessinés. Et quand on avait X-Men qui était franchement graphiquement et au niveau des scénarios, il y avait des fils rouges et tout dans les scénarios. Voilà, là c'était beaucoup plus impressionnant que l'univers DC de Superman à l'époque. D'ailleurs, si je pourrais faire une réflexion sur les séries animées américaines, je trouvais que les séries japonaises avaient étaient graphiquement plus belles. Je pense justement à ces animes des années 80, style Cobra. Vraiment, il y avait vraiment un vrai travail sur les personnages et sur les fonds. Et le pire, c'est que, voilà, quand tu pars des années 80 au Japon, 80, 90, on peut aller jusqu'à 2000, ouais. C'était de la production à la chaîne. C'est ça. Et pourtant, graphiquement, ils étaient mieux adaptés. C'est beau. Et quand tu prends donc l'Ange de Métropolis ou les autres choses, c'était pas à la chaîne. On prenait son temps pour faire une saison, on attendait que la saison soit complète, et après on sortait épisode par épisode. Ouais. Et pour finir, graphiquement, ça commençait à montrer les limites en fait de ce que pouvait faire, on va dire, l'Hollywood des dessins animés. Mais bon, ça c'est un petit avis. Hein, il y a pas des gens qui partageront pas, mais moi je trouve que c'était un peu plat au niveau, il y avait moins de relief quoi. Après voilà, il y a un truc qui va jouer en notre faveur en ce niveau ça, c'est que ce qui est sorti là, une espèce de pseudo Justice League avec des filles, voilà, qui se rapproche plus du manga ou les Teen Titans qui étaient sortis en dessin animé et qui se rapprochaient carrément d'un univers manga. Hein. Ouais c'est ça. Ouais bah on va un peu piocher aussi de ce côté-là. Hein. Dans les années 2000, c'est un peu, c'est toute une série de héros de crossover, pas de crossover. Ouais, il y a des crossovers, il y a les justiciers, il y a les Superman et Batman qui refont des alliances. Il y a aussi des adaptations d'arc de comic book. Et il y a surtout, moi, il y en a une que j'ai beaucoup aimé, c'est la Ligue des justiciers, Dieu et monstre, où justement les personnages de Superman, Wonder Woman et Batman sont complètement différents de ceux qu'on connaît. C'est-à-dire que là, Superman, c'est le fils du général Zod. Et Batman est un vampire, et Wonder Woman, c'est une espèce de sorcière, quoi. Mais est-ce que t'as vu certains de ces longs métrages animés, est-ce que t'as... Non, tous les longs métrages animés que tu m'as cités, j'en ai vu aucun. Mmh. Moi, les trucs un peu plus... c'est beaucoup plus récent ce que j'ai vu, hein, genre Batman Bad Blood ou Superman contre l'élite, c'est vraiment des trucs beaucoup plus récents que j'ai vu. Les trucs un peu plus anciens, on va dire, des années 90, j'ai pu en voir que ce qu'ils ont bien voulu en nous montrer à la télé. Ouais, c'est parce que bon, le Warner était très, très prolifique, et, on en avait quasiment un par an, même, voire deux, et en parallèle, ben, y a aussi tous les longs métrages de Batman, il y a aussi un long métrage avec Aquaman, Green Lantern, la version de Wonder Woman que tu as vu aussi, qui se rapproche finalement pas mal du film. Hein. Le film a quand même corrigé pas mal d'erreurs du scénario des dessins animés, hein, c'est-à-dire que tous des pin-ups qui se battent à poil, quoi, par la limite, hein, voilà. Ouais. Ça a été corrigé par le film parce que les guerrières dans le film, voilà, on voit que c'est des guerrières, elles ont souffert, elles ont des blessures, c'est pas des top modèles, c'est pas des laidrons non plus, mais je veux dire, mais c'est pas, voilà, c'est plus des derrière Amazon que des top modèles qui se battent en monokini contre des monstres. Dans le défilé d'Amazon, quoi. Voilà, sachant que Wonder Woman, ce qu'il faut revenir aussi, c'est que ça a été créé par un mec qui était très fétichiste, hein, donc ça explique son lasso, sa tenue un peu moulante, voilà, et des trucs comme ça. Et dans le film, moi je trouve qu'ils ont bien corrigé cet aspect, parce que Wonder Woman, certes, elle est super jolie, elle est féminine, etc. Mais quand tu vois les Amazones ou Hippolyte, ça se voit quand même qu'elles ont pris des coups dans la gueule et qu'elles ont des années devant. Et moi je trouvais qu'au niveau du scénario, là, dans le film, nickel. Ouais, non, ça passe bien, c'est un film réussi, dans l'ensemble. Ce qui pose un peu problème, c'est l'affrontement final, quoi, dans ce film, c'est tout. Bah, toujours les affrontements finaux, hein. Tu prends l'affrontement final de BVS, de Batman vs Superman. Ouais. Ou que tu prends l'affrontement final de la Justice League ou l'affrontement final de Wonder Woman, il y a toujours quelque chose qui pêche à la fin. C'est ça, il y a, je sais pas, c'était peut-être une malédiction chez DC, c'est que ça doit merder dans les derniers instants. Non, la malédiction, ça vient de ceux qui veulent se faire un max de blé. Ouais. C'est bien de vouloir faire vite, très vite, etc. Et de mettre le film qu'en autant de temps, parce que sinon le spectateur va s'emmerder. Moi je pense que le message à faire passer, c'est arrêter de nous prendre pour des cons. On va pas s'emmerder si le film fait 3 heures. J'ai bien été voir Le Seigneur des Anneaux, qui dure 3 heures. J'ai été le voir en version longue, je me suis pas emmerdé. Et il y avait des trucs dans la version longue qu'on voyait pas dans la version courte. C'est ça. Tu vois, à force de vouloir raccourcir les films pour soit qu'ils soient tout public, que les enfants puissent aller le voir pour ramasser plus large, ou de faire plus court de peur qu'on s'emmerde, laissez-nous réfléchir, on sait le faire. Et conclusion, vous bousillez vos films, vous avez bousillé Justice League parce que vous avez pas voulu faire un film trop long, et vous avez bousillé Batman vs Superman, alors que les morceaux coupés sur le DVD nous apportent beaucoup de solutions à des problèmes et nous apportent un point de vue des deux antagonistes. Qui dit ah ouais, c'est vrai, ça aurait pu être comme ça. Ouais, comme tu le dis, la version longue de Batman vs Superman est bien supérieure au film, parce qu'on avait vraiment l'impression qu'il y a eu plein de coupes quand on voit le film. On se demande il y a quel enjeu pour que ça disparaisse d'un coup, ou il y avait des raccords qui étaient un peu bizarres. Ouais, puis je sais pas, c'était comme tu disais, la coupe. On dit mais pourquoi, attends, pourquoi là maintenant ça y a... Parce qu'il y a eu des coupes colossales, parce que oh non, c'est trop long, les mecs, ils vont se faire chier. Non, faites-nous confiance, on a un cerveau, on va s'en servir. Ouais, le problème aussi, c'est que ce sont des financiers, pas des artistes qui. Est-ce que je te dis, ils veulent ratisser tellement large, qu'ils bousillent leur film. Il y a aussi l'histoire des séances, et ça, on en parle souvent, c'est que le film doit pas excéder 2h30, parce que sinon, on aura 2 séances au lieu de 3 l'après-midi, si tu veux. Donc, il faut raccourcir au maximum. Ouais. Il faut développer les personnages, il faut une intrigue qui tienne debout. Et c'est vrai que dans Justice League, enfin, on dérive un peu sur le côté cinéma. On en reparlera plus tout à l'heure, mais je pense que... Bah, du coup, ça va nous faire une transition sur la Justice League. Parce qu'en fait, on va atterrir sur 2001-2006, où il y a eu la Justice League, justement, qui est ressortie à la télé. Bon, toujours des personnages en V. Ouais, mieux dessinés quand même. Ouais. Par contre, cette fois-ci, qui a accroché et qui a fait accrocher pas mal de gens, parce qu'il y a un fil rouge. C'est-à-dire que première saison, ils apprennent à se construire en tant que ligue. Deuxième saison, bon, ça fait un peu par cœur, mais comme un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, ils s'organisent. Et après, en face, ça s'organise aussi pour les contrées, etc. Ouais. Ce n'est pas très sombre non plus, mais c'était quand même plus sérieux que ce qui était sorti juste avant. Mais je pense que c'est tout. On avait fait le tour de l'animation et on a fait le tour pour le principal. À moins que tu veux rajouter des choses ? T'avais quelque chose à rajouter ? Ah oui, il y a des animations qui valent plus le coup que certains films. Je vais prendre par exemple Superman contre l'élite. Voilà, ça fait quand même un Superman Boy Scout. Ouais. Mais là, on a un Superman quand même calculateur qui arrive à faire une mini lobotomie au cerveau de quelqu'un pour pouvoir le battre, par exemple. Et très manipulateur aussi parce qu'il fait semblant de péter les plombs. Il détruit littéralement Metropolis. Mmh. Et en fait, c'est tous ces robots, parce qu'apparemment, Superman est équipé de pas mal de petits robots kryptoniens. Et en fait, les petits robots kryptoniens sauvent les gens en même temps que Superman se bat, fait semblant de se battre en perdant hors de contrôle. D'accord. Donc tu vois, il y a des trucs comme ça. La sentinelle de la forteresse. Et surtout, la Justice League qu'ils sont en train de faire maintenant, ouais, fantastique. T'as une Wonder Woman, c'est une Amazon, comme dans le film, hein, c'est-à-dire qu'ils prennent un peu les personnages des films et qu'ils les adaptent. Voilà, Wonder Woman est une Amazon qui a pas vraiment de recul sur ce qu'elle est en train de vivre, c'est-à-dire qu'elle connaît pas le monde extérieur, etc. Elle est bourrée de principes. Après, t'as un Superman qui est aveugle dans sa mission, c'est-à-dire que c'est un Boy Scout, quoi. Faut pas tuer. Et quand c'est des trucs catastrophiques, heureusement que ses coéquipiers sont là. Un Green Lantern qui est là pour sauver une partie de la galaxie, qui est pas spécialement cantonné à la Terre. Un Batman calculateur, méthodique, précis, vraiment un grand Batman. Et là, cette série qui sort maintenant, elle est impeccable. Un cyborg qui découvre ses pouvoirs et qui arrive à être un élément fondateur de la Justice League. Non, là, il y a quand même beaucoup de nouveautés à porter dans ce qui sort en ce moment. Et moi, je peux conseiller aux gens de le regarder parce que c'est à la fois, les gamins, ils peuvent le regarder, ça va, c'est pas trop sanglant. Mais je veux dire, t'as quand même Wonder Woman à un moment qui arrache le bras de cyborg dans une série animée. Mais tu vois, ils ont quand même la présence d'esprit d'arracher un bras à un cyborg, pas à l'ennemi juste avant. J'ai une petite question, tu dis que le Superman est un peu inspiré de Justice League. Est-ce qu'il a une moustache ? Ah, pas de moustache. Hein. En fait, tu vois, curieusement, une moustache, c'est beaucoup plus facile à effacer en dessin animé qu'en film. Ça coûte moins d'argent. Voilà. D'autres choses à ajouter ? Bah, en fait, après, on a noté, tu vois, des trucs comme Superman contre Baniac, l'aventure de la Justice League, mais ça, ouais, c'est des crossovers qui méritent même pas... Des dessins animés qui méritent même pas un avis prolongé, parce que c'est... on a Superman, on le met dans une situation, et il bat la situation, puis voilà. Il y a une vision, quoi, ouais. Voilà, au niveau des Superman, je trouve ça un peu plan-plan. Tandis qu'au niveau des Batman, je pense que les mecs qui écrivent les scénarios de Batman sont plus torturés dans leur esprit que les mecs qui écrivent les scénarios de Superman. Parce que Superman, son enjeu, c'est toujours le même. Tandis que Batman, c'est quand même beaucoup plus psychologique au niveau de l'enjeu. Et Bruce arrive quand même à se rendre compte que ce qu'il fait, c'est peut-être pas toujours la bonne solution. Ouais, c'est ça. Puis bon, comme on parlait tout à l'heure, il y a l'histoire avec Damian qui vient ajouter un point en plus. Tandis que tu vois, Superman, il n'y a pas de personnage qui vienne enrichir Superman. C'est toujours Superman. Il est tout seul, quoi. Ouais, il est tout seul. Et puis, il se remet pas en cause parce que, certes, il est en couple avec Lois. Ça peut ruiner son couple. Moi, ça va. J'ai déjà vu ça dans Grey's Anatomy. Et puis bon, j'ai l'impression qu'un peu maintenant, on est dans le recyclage parce que il y a déjà eu un Death of Superman en animation et ils vont refaire un nouveau. Tout ça parce que ce sont justement les 80 ans et qu'il faut une version plus fidèle aux comics que... Ouais, puis une version plus fidèle au film parce qu'en fait, le DCU essaye de raccrocher les wagons avec leur film. C'est pas une technique que j'apprécie grandement au niveau... À part, je te dis, la nouvelle Justice League. Ouais. C'est pas un truc que j'apprécie grandement d'essayer de rattraper l'univers du film pour te dire on colle au film, les mecs. C'est ce qui arrive avec Marvel. Si tu prends les nouveaux Avengers qui sortent en ce moment, ils se raccrochent carrément au wagon du film pour essayer de coller au film. Ouais, c'est un peu comme les Agents du Shield de la série, ou au début, comme ils faisaient avec Daredevil ou Luke Cage. Ils arrivent quand même à s'y éloigner. Mais là, vraiment, dans les dessins animés, ça fait vraiment... vous avez vu le film, c'est bon, on vous met ça, c'était dans le film, c'est bien, vous avez aimé, etc. Ouais, c'est bien de nous proposer autre chose aussi, parce que les films, ce sont pas catastrophiques. Si, il y en a certains, ils sont catastrophiques, mais essayez de sauver la licence avec d'autres trucs. Par exemple, pour revenir sur les trucs d'animation, on va s'éloigner un petit peu de Superman, mais ils avaient ressorti une Young Justice, une série télé qui s'appelait Young Justice. Ouais. Donc c'était la Justice League Junior, en fait. D'accord. Donc c'était la Justice League, et à côté de la Justice League, il y avait la Young Justice, qui faisait que des Black Ops, des opérations clandestines. Toi, tu parles du Suicide Squad. Non. Vraiment de la Young Justice. Ah, d'accord. Il y a eu deux saisons de la Young Justice, des saisons qui ont fait des audiences colossales, et ils ont décidé d'arrêter de pas faire une troisième saison pour la simple et bonne raison stupide que c'est que des filles qui aimaient ça. Donc conclusion, ils se sont dit ah non, on fait ça pour des mecs, on coupe. Et puis après ils nous ont sorti, je dis le DC Universe Girl où c'est limite un manga avec des filles et le pouvoir de l'amour quoi. J'ai l'impression de regarder un Barbie quand je regarde ça. Il y a Harley Quinn dans l'histoire. Là. Dans Young Justice, non, il y a pas Harley Quinn, il y a Aqualad, donc un Black avec des pouvoirs mystiques et aquatiques. Il y a Superboy Prime, donc qui est justement des labos Cadmus de mémoire. Il y a Kid Flash, Wally West. Ouais. Après il y a Artemis qu'on connaît pas très bien. Et après il y a d'autres personnages qui viennent se greffer là-dedans et ça marche bien. Il y a Zatanna, il y a même Shazam. Il y a un épisode fantastique parce que il y a un moment les démons arrivent à séparer la Terre en deux, c'est-à-dire d'un côté les adultes, d'un côté les enfants, et c'est Shazam qui fait le relais entre tous les entre tous les machins. Ouais, donc, du fait voilà. Que Billy Batson et Donc du coup c'était vraiment bien tourné, l'intrigue était bien, il y avait un fil rouge, c'était angoissant, c'était stressant, il y avait quand même des mecs qui retournaient leur veste, Speedy qui se fait arracher un bras. Donc tu vois, c'était quand même assez sérieux, assez prenant. Et comme l'audience leur convenait pas, c'est-à-dire que c'est même pas l'audience, hein, c'est le type de personne qui regardait, ça leur convenait pas, ils ont dit on coupe. Et là j'ai l'impression qu'ils veulent se raccorder au film pour agripper les spectateurs des films. Mais le problème c'est que leurs dessins animés ont les mêmes défauts que les films. Je sais pas si t'as su, mais ils vont faire une nouvelle série Teen Titans avec des acteurs. Apparemment c'est encore une production CW. Bah j'ai vu la première photo, c'est celle de... Je crois que c'est Robin ou Nightwing, je sais plus. Enfin ça doit être Nightwing à mon avis. Dans les Teen Titans... ça dépend, moi j'ai connu que le dessin animé, j'ai connu Teen Titans sur le tard. Bon, je parle pas de Teen Titans Go, ça existe pas, ça jamais existe. Mais sinon, les Teen Titans, comme je disais tout à l'heure, ça se rapproche d'un cartoon d'un manga. Ouais. Donc c'est un univers comme ça. Ça reste quand même assez sérieux, parce qu'il y a quand même des bonnes prises de tête avec Deathstroke ou avec Trigon, mais ça reste bon enfant quoi. Ils parlent de gaufres, ils vont manger des pizzas, etc. On a l'impression de regarder un peu un Tortue Ninja. Mais ça avait marché. Bon, ça a arrêté parce qu'ils ont fait, je sais plus, 3 ou 4 saisons et que la saison se terminait. C'est tout, ça se terminait, c'était fini. Ils avaient sauvé l'univers. Et là, après, quand ils ont fait Teen Titans Go, c'est des mini-séries censées être comiques. Ouais, c'est pour les gamins, hein, littéralement. Et là, s'ils font un nouveau Teen Titans, j'espère que ça sera un peu plus, je dirais pas fidèle à l'œuvre, mais un peu plus quand même cérébral que ce qui nous sort en ce moment. Ouais, dans le domaine de l'animation, à part les justiciers, Superman, Batman, ils ont fait aussi 2-3 longs-métrages sur Suicide Squad, suite, on va dire, au relatif succès du film. Bah tu vois, les longs-métrages de Suicide Squad, j'en ai vu un, notamment celui avec Harley Quinn et Killer Croc qui se fait exploser la tête. Pour une fois, ce sera pas Slipknot. celui-là, je l'ai vu... T'as rien à prendre dedans. C'est celui avec Amanda Waller qui leur donne une mission de délivrer le Joker, c'est pas celui-là. Ouais, parce qu'il a caché une bombe, et la bombe elle est dans le maillet de Harley Quinn, tu vois. D'accord. Mais non, pas génial. En plus, ils t'ont collé un Batman qui fait des petits caméos, juste pour te dire, on s'est rendu compte qu'on a fait de la merde. Regarde, on a Batman. Regarde, on a Batman. Le seul passage de bien dans ce film, c'est quand, à un moment, t'as l'espèce de ninja qui explose pas, et que tu te rends compte que Batman a pris sa place, quoi. Voilà, c'est le seul moment qui m'a donné une petite surprise dans le film. Ouais, c'est pour accroché au film, et là apparemment ils viennent de mettre à nouveau Suicide Squad Hell to Pay. Je sais pas, j'ai pas encore regardé, mais apparemment ça devrait être Deadshot qui est au centre du film, du long métrage en fait. Après Deadshot, c'est vrai que ça a été quand même le leader de la Suicide Squad après Rick Flag. Donc pourquoi pas. Enfin voilà, encore une fois, ils veulent surfer sur le succès infondé de Suicide Squad. Ouais, et puis un succès c'était pour être justifié, vu le mauvais film que c'est. Bah on a fait le tour des dessins animés, tu vois, y a pas grand chose à en dire, à part, je te dis, Justice League et L'Ange de Métropolis, quoi, qui était encore assez bien tourné. C'est toi tu placerais ces deux-là sur un piédestal. Un piédestal, non, je dirais que ça sort du lot, mais il n'y a pas de quoi les déifier comme la série Batman de 93 qui a fait redécouvrir. Et qui en plus a donné de nouveaux personnages comme Harley Quinn. Qui a fait deux Batman, le sombre, torturé, Batman, quoi. C'est le digne héritier du Dark Knight Returns de Frank Miller, quoi. Bah tu vois, ils ont mieux réussi le Batman que Superman au niveau des animations.